Kumbie mwange, kumbi maduma musime mwangai. Yobe kumbi maduma musima mututinga gaduminu wande kumbi maduma musime mwangai. Kumbie mwange, kumbi maduma musime mwangai. Yobe kumbi maduma musima mututinga gaduminu wande kumbi maduma musime mwangai. Kumbie mwange, kumbi maduma musime mwangai. Yobeki mwange kumbie kumbi maduma musime. Yobe kumbi maduma musima mututinga gadumine wande kumbi maduma musime. Kumbie mwange kumbi maduma musime. Yobe kumbi maduma musima mututinga gadumine wande kumbi maduma musime. Bagi mwange kumbie kumbi maduma musime. Oge bagi mwange kumbie kumbi maduma musime. Yobe kumbi maduma musima mututinga gadumine wande kumbi maduma musime mwanga iyae. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Pardonnez-moi de tout le retard. Pardonnez-moi. Je pensais avoir... Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Okay. J'espère que ça va aller. Voilà, je me retrouve toujours avec le petit téléphone. C'est toute une gymnastique. En fait, je fais la commande de l'autre appareil qui me servait à faire tous mes shows. Malheureusement, Best Buy, la compagnie qui s'occupe de la vente de tous ces produits électroniques, me dira qu'ils sont en rupture de stock. Donc, c'est ce qui explique ce retard de presque une heure. Veuillez me pardonner. Parce qu'il a fallu que je me déplace sur place, aller vérifier. Et ensuite, ici aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le recensement. Les gens ne sont pas là. Donc, ici, on m'a maintenant pris du coup comme le chef du quartier, me posant des questions. Oh, le voisin, il y a combien d'habitants là-bas? Oh, combien d'enfants? Oh, ceci, cela. Donc, tout ça, vraiment, ça m'a perturbé à la dernière minute. Mais, advienne que pourra, nous avons pris un rendez-vous pour aujourd'hui. Je vais donc avoir le plaisir de partager avec vous les grands mystères de l'Afrique. Donc nous allons parler aujourd'hui de deux méthodes, c'est-à-dire la méthode du chapeau noir. Okay? La méthode du chapeau noir et la méthode du crâne. Pardonnez-moi, je n'ai pas le crâne de mon père, hein, parce que j'ai le crâne de mon père, mais ça se trouve au Gabon. Ce crâne, en général, je le fais déplacer mystiquement. Et vous allez comprendre le processus quand je vais vous expliquer comment ça se passe en matière de comment commander les esprits et comment faire en sorte que les esprits se soumettent à votre volonté. Donc, le sujet d'aujourd'hui, pardonnez, parce que c'est un petit téléphone, donc le titre n'a même pas pu bien apparaître. En réalité, partager auprès des amis et connaissances. Le titre est le suivant. Comment, à travers le crâne des morts et le chapeau, on peut maîtriser les esprits? Comment la sorcellerie africaine, comment les sorciers africains, à travers le chapeau noir, je ne vous dirai pas lequel des deux vient de ce monde-là, on va vous expliquer comment, à travers le chapeau noir et le crâne de mort, et pas n'importe quelle mort, vous allez le découvrir aujourd'hui, comment alors on peut, par cette technique-là, maîtriser les caprices des esprits, commander les esprits, c'est-à-dire les anges, les démons, n'importe quel genre de démon, de génie. Même les esprits de nos ancêtres, comment est-ce que nous pouvons voir la maîtrise de ces derniers à travers... pardonnez-moi, oh là là, c'est embêtant avec l'affaire du petit téléphone, là ça va beaucoup me perturber, pardonnez. Vraiment, j'étais déjà habitué à mon gros appareil où tout était facile. Donc, je vais donc ici vous montrer deux techniques qui paraissent simples, mais je tiens d'ores et déjà, d'abord, bonsoir. Bonsoir encore à tout le monde et je demande pardon pour le retard. C'était vraiment indépendamment de ma part. Mais je ne pouvais pas annuler. Cela serait un manque de sérieux de ma part d'annuler un très bel enseignement. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de sorciers, beaucoup de mes frères sorciers, c'est-à-dire ceux qui maîtrisent la haute magie, ceux qui maîtrisent les pratiques sorcières de chez nous en Afrique. Mes frères initiés du Bouété, Bouété India, Bouété Dizumba, Bouété Misoko, beaucoup d'entre eux qui sont des Nima, qui veulent apprendre cette technique. Parce que cette technique, je l'ai puisée quelque part. Je ne vais pas vous dévoiler mes sources. Et vous allez écouter le témoignage de l'un des prêtres de cette grande confrérie, comment lui, il a procédé quand il était encore tout jeune. Il va vous donner l'année à laquelle et il va vous porter quelques conseils. Donc, c'est ce dernier qui m'a, si vous voulez, montré ce rite-ci. Ce rite ne peut être pratiqué uniquement que par des initiés confirmés, par des initiés qui ont combattu la peur et qui sont capables de maîtriser le monde du royaume des morts. J'ai oublié mon livre là, hein, dans le livre de d'Anta Diop, dans les histoires de comment les esprits s'est passé en Égypte. Je n'aime pas trop lire les livres, mais rassurez-vous, ce sujet, je ne l'ai pas préparé, mais je vais méditer, mais quand même, ils m'ont demandé de vous donner une référence que vous pouvez vérifier quand vous allez lire chez vous à titre informel. Alors, dans ce livre, disais-je, l'auteur essaie de nous expliquer, catégoriser les différents niveaux où se trouvent les différentes entités et comment les contacter, où il faut les trouver, et ainsi de suite. Oh là là, et j'espère que je vais le retrouver. Mais si je ne le retrouve pas, je pourrais quand même éventuellement aller avec vous pour vous dire comment justement diviser les mondes subtils là que nous ne voyons pas, les mondes invisibles. Bon, écoutez, je ne peux pas rentrer là-bas, c'est caché là-bas. Mais puisque c'est des livres que j'avais étudiés, donc là-dedans nous explique que il y a plusieurs mondes. Il y a le monde matériel dans lequel nous vivons. Il y a le monde des morts. Le monde des morts, c'est ce qu'on appelle le royaume des morts. Après le royaume des morts, il y a un autre royaume où se trouvent certains esprits très évolués, où se trouvent les esprits des grands maîtres invisibles. Ensuite, il y a un autre monde où se trouvent en fait les esprits des initiés. Certains initiés qui ont atteint un grand niveau. Ceux-là se retrouvent au troisième rayon. Et parmi lesquels se trouve votre Jésus des chrétiens là, se trouve Hilarion, le fondateur du christianisme, se trouve Patmoun, se trouve la plupart des grands maîtres tibétains, et certains grands maîtres du Bouété, du Gabon, et de bien d'autres grandes confréries africaines, ils se trouvent à ce niveau-là. Donc sachez que dans le monde que vous appelez invisible, en réalité il est visible à l'œil nu, mais sachez que, le monde matériel dans lequel nous vivons, si vous avez suivi des films tels que Jumanji, les films de Jumanji, vous avez suivi, c'est-à-dire les gars partent d'une grande ville américaine, mais se retrouvent perdus dans une grande forêt, et ils rentrent par une porte, qu'on appelle par le portail, ou une entrée portique, donc partent du monde réel au monde irréel, et du coup ils disparaissent, après ils reviennent. Et comme J.D., le voyage dans le futur, si vous vous rappelez de ce jeune-là qui est devenu malade là, il a tourné un film appelé Jedi, le retour vers le futur. Donc, il se retrouve dans le futur, mais il revient au présent. Mais là, le titre du film, c'est Retour vers le futur. Alors, quand vous voyez ce genre de film, les gens qui ont tourné ce film, je vous informe, c'est des grands maîtres maçonniques. Et dans la maçonnerie, à un certain niveau, on nous apprend, quand je dis on nous, parce que je suis un ancien maître de la maçonnerie, on nous apprend justement à contacter ces mondes-là, c'est-à-dire les mondes des autres réalités. Comprenez? Donc aujourd'hui, je vais vous amener dans le monde qu'on appelle le monde du royaume des morts. Il existe des villes, il existe tout, des activités, des voitures, des immeubles. Le cimetière que vous voyez là, ce n'est que l'aspect matériel. Donc, tout de suite, je tiens déjà à avertir aux gens qui sont sensibles à ce genre d'enseignement de pouvoir simplement « turn off your phone and go ». Let me rephrase it in English. Pardonnez-moi, parce qu'il y a des gens qui... J'ai rencontré beaucoup de sœurs, surtout de nos mamans là. Elles sont ici depuis plus de 30 ans. L'anglais, le français commence à boitiller. À celles-ci donc, je leur dis ceci. Our main teaching tonight is based on two things. As you can see, I just shown up, but you understood that in French. How can we, through this, by using a black hat, and using a skull of a dead person? How can we use a dead skull person, a head of a dead man or a dead woman, as well as a black, either way, how can we use those elements to access or to have access to the kingdom of the dead? The kingdom of the dead. The kingdom of the dead is a parallel word. When you go to the cemetery, you see the people we are burying in a cemetery. It's just the body, the material, goes back to the dust, but the soul goes to another world. And that's the world where the Bible talk about the world of rest. All the souls are in the hands of God. That's a really spiritual way of saying those souls are not dead. They have another life. Means there is a life after life. Means after death, there is life continuing and going on. So it's very important to emphasize on this one. Alors, je vais rentrer tout droit dans le sujet pour vous dire que le rite que je vais vous montrer aujourd'hui, s'il vous plaît, si vous êtes nouveau, ne le faites pas. Mais par contre, certains ont insisté que oui, maître, moi, est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un qui fait ça, qui peut me permettre, moi, d'aller prendre mon chapeau noir pour devenir puissant, ou bien d'aller chercher le crâne du chef, qu'on appelle ça. Aller prendre le crâne du gardien du cimetière. Parce qu'il y a deux gardiens ici. Il y a le gardien qui vit dans une forêt quelque part, dans le monde du royaume des morts, qui remettra son chapeau noir, et je vais vous expliquer la procédure avant d'y accéder. Que faut-il faire d'abord devant le cimetière? Que doit-on dire? Et qu'est-ce que vous devez amener avec vous, même ce soir ou demain, quand vous irez devant le cimetière? Je crois que mon travail est fini, parce qu'il y avait une petite lutte. Il y avait une petite lutte. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci, merci. Bien. Nous allons commencer par le rite d'abord du chapeau. Le rite du chapeau, je vous informe une fois de plus que ce rite ne doit pas être fait par des gens qui ne sont pas forts spirituellement. Pourquoi? Parce que ce rite-là va vous permettre de maîtriser les anges, de maîtriser les génies. Tout comme dans mon enseignement précédent, celui-ci que vous avez vu, par ma méthode après 46 ans de pratique, moi je n'ai pas besoin de chapeau noir, ni avoir besoin de crâne de quelqu'un. Voyez-vous, mais il y a certains qui m'ont dit qu'ils n'ont pas, qu'ils ne peuvent pas avoir, c'est pas qu'ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas le temps. Donc, j'ai appelé ces voies de rattrapage, c'est-à-dire des moyens à court terme qui peuvent vous permettre de commander ce que vous voulez auprès des esprits. Quand j'entends par commander, ça veut dire, une fois vous aurez ce chapeau, on va vous donner le code, comment parler à ce chapeau. Une fois vous aurez le crâne de la personne qui est le gardien ou le premier mort de ce cimetière-là, eh bien, vous allez voir, les merveilles vont se passer. Ce n'est pas de la fiction, c'est un monde réel, c'est des choses qui sont vraies. Je ne peux pas venir parler ici au public, venir raconter des bêtises. Ça ne me rapporte rien. Je suis un homme qui est né dans la vérité et je ne parle que la vérité. Donc, nous allons donc donner déjà l'avertissement que toute personne qui est âgée de moins de 18 ans n'osez pas tenter ce genre d'expérience. Je dirais même âgée de moins de 25 ans. Pourquoi? Ben, parce que lorsque vous allez vous rendre devant le cimetière à une certaine heure que je vais vous dévoiler, il y aura des choses. Mais si vous osez avoir peur, vous allez attraper la folie et vous deviendrez malade ou vous allez même mourir. Voilà pourquoi je vous préviens. Donc, ce rite-là, ces deux rites que je vais donner ce soir, je ne vais pas être long, je vous permettrai de poser des questions après avoir écouté le témoignage d'un grand prêtre qui est un initié de cette technique. Et que lui-même, il a expérimenté, il est parti quelque part, il va vous faire le témoignage. Il est un prêtre dont le nom d'initié, c'est Ngoï, du Congo. Donc, il va vous répondre, je vais l'appeler, depuis le Congo. C'est un grand prêtre de rite. Et il s'appelle Maître Ngoï. Alors, le Maître Ngoï fera vous partager son témoignage sur cette pratique ancienne que lui-même, il a pratiquée depuis des années et des années. Et qu'il n'y avait pas trop de problèmes. Maintenant, par rapport à cette même pratique, il y a des gens qui veulent aller avec le maître initié de cette pratique-là. Mais là, je donnerai des consignes, si c'est le cas. Mais c'est très risquant, hein, je vous le sais, c'est très risqué, voulais-je dire. La première chose que vous faites, donc, vous allez vous rendre devant le cimetière. Vous savez ce que c'est un cimetière? C'est le lieu de repos des morts. Le lieu de repos, pourquoi? Parce qu'ils se reposent, n'est-ce pas? Est-ce que réellement ils se reposent? Ben, souvenez-vous, chez nous en Afrique, on dit les morts ne sont pas morts. Eh bien, vous allez comprendre pourquoi et comment aujourd'hui. Donc, une fois vous arrivez devant le cimetière, il y a, avant d'abord d'aller devant le cimetière, il vous faut certains éléments. Il faut vous amener, il faudrait que vous ameniez quelques offrandes avec vous. amener les arachides, amener les colas, amener un peu du vin, amener les œufs, si possible un paquet d'œufs de 6 œufs, avec l'huile, avec une poêle et avec un petit réchaud. Vous avez retenu? Je vous resuivrai la vidéo. Donc, je disais les œufs, la petite poêle dans laquelle il faut frire les œufs pour faire des omelettes. Ensuite, il vous faut de l'huile, c'est-à-dire l'huile d'olive serait de préférence, avec un petit réchaud, hein, le camping. On appelle ça ici le camping cook. Vous savez de quoi je parle. Petit réchaud, là, il y en a même en Afrique. Voilà les éléments qu'il vous faut. Donc, j'ai déjà cité les arachides, les colas, en un mot, les éléments qu'on fait, les offrandes auprès des ancêtres. Donc, ensuite, vous allez amener également un élément très important. Je crois en avoir beaucoup ici. Parce qu'un sorcier doit toujours avoir tout ce matériel-là. Oui, oui, oui, c'est important. Je vais vous montrer hein, la chose en question dont je vous parle. Et ça, c'est très important. Il vous faut ça. Parce que si vous ne l'avez pas, le rythme ne va pas marcher. Ok. Je l'ai avec moi. Comme tout bon sorcier, il faut toujours avoir ça avec vous. Voilà. Bon, là, nous avons... C'est pas ça là qu'on vous demande. On ne vous demande pas... On ne vous demande pas ça là. Vous connaissez ce que c'est. C'est ce qu'on utilise dans nos pratiques ritualiques. Les Mbumba, le Milombo, tout ça là. Et même dans le Djembe et le Bouiti. C'est ce qui nous sert pour faire nos maquillages et tout ça. Mais c'est pas ça qu'on demande. Il vous faut plutôt ceci. Voilà. J'ai le plus gros là. Attends. Il est où? Mais c'est pas grave. Ça, c'est le plus petit. Je crois que le plus gros doit être dans le gros sac. Là. Je ne vais pas fouiller tout mon sac. Mais vous savez déjà de quoi il est question. Donc, ça va vous servir à quelque chose. Il vous faut donc toutes les machines des offrandes là. Et en dehors des trucs des offrandes, il vous faut une poudre rouge. Mais cette poudre rouge, c'est seulement celle qui est fabriquée par les initiés. Vous n'allez pas aller prendre n'importe quelle poudre comme ça. C'est seulement celles qui sont fabriquées par les initiés. C'est celle-là. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est celle-là. C'est rouge. D'accord? Donc ça, il vous le faut. Maintenant, une fois vous êtes arrivé devant le cimetière, vous avez déjà tout le matériel avec vous. Vous avez donc ceci. Ça s'appelle le kaolin rouge. Chez nous, au Gabon, on appelle ça le kaolin rouge. Il vous faut ça. Bien. La première technique, donc, ce que nous allons faire ici, c'est la technique d'aller chercher le crâne du plus vieux mort de ce cimetière. Mais avant d'aller là-bas, rentrer dans le crâne, voici ce que vous devez faire. Une fois vous êtes devant le tombeau, vous devez maintenant avoir le code. Le code, c'est lequel? C'est avec ça. Vous voyez, hein, c'est rouge. Ça a été fabriqué chez moi au Gabon. Il y a une autre version. C'est toujours rouge. C'est ça. Avec cette craie rouge, kaolin rouge, on appelle ça chez nous au Gabon, vous allez écrire le mot mort. Vous allez écrire le mot mort sur le sol. Si l'entrée du cimetière est en béton, ou bien s'il y a un mur, vous allez écrire sur ce mur-là ou sur l'entrée même de l'entrée principale de ce métier, vous allez écrire le mot mort. M-O-R-T. Et une fois vous avez écrit ce mot-là, vous allez donc faire le rite d'introduction. Vous allez vous présenter. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on a dit que c'est réservé aux initiés. Donc, vous, en tant qu'initié, vous savez le rite de convocation. Donc, vous allez maintenant faire des invocations. Vous allez parler, vous présentez votre tribu, votre clan. Vous parlez. Vous comprenez? Maintenant, une fois que vous avez fait toutes ces incantations, vous donnez le mot de passe, c'est le mot mort. Parce que quand vous prenez le mot mort, dans le mot mort, selon ce que mon frère m'a expliqué, et ça, je le savais également, en numérologie, le mot mort, c'est le nombre 1. Pourquoi? Parce que le mot mort, normalement, il y a combien de lettres, si vous voyez bien? Une de chaque côté. La lettre 1, pardon, le nombre 1 est de chaque côté. Ça forme 4 côtés, n'est-ce pas? Mais de ces 4 côtés, c'est toujours le nombre 1. Or, si vous voyez bien, mort, c'est M-O-R-T, 4, mais en réalité, ce n'est pas 4, mais c'est 1, parce que 4 est constitué de 1 de chaque côté. Bref, le mot mort veut dire mouvement. C'est maintenant là le code que vous devez utiliser. Quand vous allez écrire, donc mentalement, vous allez dire, et verbalement, à l'entrée du cimetière, à 0h, puisque les gens vont me poser la question, retenez bien l'heure, c'est à minuit, donc 0h00, dès minuit. 00, c'est là où vous devez commencer à écrire le mot mort sur le mur et sur le sol, et vous allez dire mouvement obligatoire du retour vers la terre. Mouvement obligatoire du retour vers la terre. Ça, c'est après avoir invoqué et incanté, fait le rite des ancêtres. Si vous êtes un maître initié, je vous le répète, tout seul, votre corps va disparaître. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui était à côté qui vous entendait dire ça, que mouvement obligatoire du retour vers la terre, et en train d'écrire avec ce truc rouge-là, est-ce que j'ai mis ça? Voilà, en train d'écrire sur le mur en rouge, mort, et vous dites ce code-là, vous allez vous retrouver à l'intérieur du royaume des morts. Mais maintenant, dès que vous allez vous retrouver à l'intérieur du royaume des morts, vous allez rencontrer des gens. Vous comprenez? C'est là que vous allez maintenant rencontrer des gens. Et ces gens-là, quand vous allez les rencontrer, vous allez donc leur demander de vous montrer le crâne du gardien de ce cimetière. Du crâne plutôt, le crâne du premier mort de ce cimetière. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous cherchez à obtenir le crâne de la première personne qu'on avait enterrée dans ce cimetière-là. Par exemple, si vous êtes chez moi au Gabon, à Likwala, il y a un cimetière là, dans la zone de Likwala. C'est là-bas, vous rentrez donc dans l'entrée du cimetière. Une fois que vous avez écrit le mot mort, mouvement obligatoire du retour vers la terre, et vous faites l'incantation des génies, vous parlez. Vous allez vous retrouver à l'intérieur. Une fois vous donnez, c'est ça la clé. La clé, c'est mort, mouvement obligatoire du retour vers la terre. C'est ça le mot de passe. Pour ceux qui ne sont pas initiés, ne comprennent pas de quoi je parle. Mais ceux qui sont initiés, là, ils me suivent très bien, ils comprennent. À minuit, hein, c'est à minuit 00. Donc, vous allez donc vous retrouver à l'intérieur. Maintenant, une fois que vous êtes retrouvé à l'intérieur, donc vous allez rencontrer des gens. Des vrais gens comme nous ici. Mais rassurez-vous que vous êtes déjà à l'intérieur du royaume des morts. Hein? Une fois que vous avez fait ce rite-là, vous êtes automatiquement vous rentrez. Parce que vous allez me poser la question, mais maître, quel était le mot de passe? Mais le mot de passe, c'est le mot mort, parce que vous l'avez écrit. Et une fois que vous écrivez et vous dites le mouvement obligatoire du retour vers la terre, vous allez vous retrouver là-bas. Donc, ce que vous allez demander aux personnes qui sont autour, vous leur demanderez, s'il vous plaît, montrez-moi la tombe du plus vieil homme, donc du premier homme qui a été entré dans ce cimetière de Likwala. Alors, deux fois ce type-là, son cimetière, sa tombe a sûrement disparu dans l'herbe. Même si on a fait des travaux, la personne peut-être avait disparu il y a de cela 500 ans, parce que les tombeaux là grandissent. Il y aura, s'il y a de l'herbe, par exemple, comme chez nous en Afrique, eh ben, il y aura des esprits qui vont vous guider. Ils vont vous guider. Ils vont vous guider vers la tombe de ce premier homme qui avait été enterré là. Les esprits vont vous guider. Puisque vous avez déjà fait le rite. Et vous êtes un initié. Donc les esprits des morts qui sont là-bas, vous allez les voir comme vous. Comme s'ils étaient physiques comme vous. Ils vont vous guider vers la tombe de ce monsieur ou de cette dame-là. Et c'est de là maintenant, quand une fois on vous montre, il faut maintenant faire le rite. C'est là que vous devez maintenant faire le rite de pouvoir parler. Il faut maintenant faire des incantations. Les incantations que vous faites, c'est de pouvoir, cette fois-ci, déceler toutes les chaînes. Parce que vous n'êtes pas le seul. Peut-être qu'avant vous, il y a eu d'autres sorciers qui sont venus également parler ici, à ce mort-là. Donc voilà pourquoi il faut faire des incantations. Vous devez faire des incantations, vous parler. Maintenant, n'allez pas me demander quelles sont les incantations qu'il faut dire. C'est pour cela qu'on vous a dit que ceci est réservé uniquement aux initiés. Vous comprenez? Maintenant, si vous n'êtes pas initié, je ne peux pas vous dire les incantations en question. Mais quand vous êtes un véritable initié, vous savez. Au Cameroun, les Bamilékés du Cameroun me comprennent parce qu'eux, ils sont habitués au rite des crânes et ils savent comment manipuler les crânes des morts là-bas. Parce que chez eux, chez le peuple Bamiléké, quand les gens morts, ils ont une maison qu'on appelle la maison des morts. Et cette maison des morts, c'est là-bas, ils conservent tous les machins. Mais chez nous, au Gabon, c'est différent. Mais nous avons chez les peuples français qu'on appelle les Melanins. Donc, chez le peuple femme Melan, vous verrez que ce rite-là, il est plus ou moins semblable au rite de la nécromancie. C'est un peu de la nécromancie là que je suis en train de vous amener. Pourquoi? Mais parce que l'étape suivante, une fois vous êtes en face et que vous allez faire les incantations, vous allez faire les incantations à ce mort, vous allez demander au mort de sortir. Il va sortir. Et qu'est-ce qui va sortir? C'est tout le squelette au complet. Une fois le squelette au complet sort, c'est attention, si vous n'êtes pas fort mystiquement, je vous dis, vous allez pisser et mourir là même net. Et on ne vous reverra plus dans le monde réel. Donc c'est très important. Voilà pourquoi j'ai insisté depuis la semaine dernière qu'il faut être un initié. Effectivement, le monsieur, donc le plus vieux mort de ce cimetière va se lever. Le squelette va se lever. Et quand ce squelette se lève, c'est en ce moment que vous allez commander. Quand on dit commander, vous allez dire, vous allez donner l'ordre à ce type-là, vous vous présentez à lui, mais il comprendra, parce qu'il sait que vous êtes un initié. Vous avez un taux vibratoire très fort, qui va même le faire peur, donc il va se soumettre à vos commandes. Et c'est en ce moment, vous demanderez donc à cet esprit, ou ce squelette, de vous remettre sa tête. D'accord? Alors, il va prendre sa tête, et il vous remettra la tête en question. Mais une fois qu'il vous remet la tête, il faut également faire le rite de fermeture. Vous avez fait le rite d'ouverture, n'est-ce pas? Pour ouvrir la tombe de ce type. Maintenant, il vous donne son crâne. Et il va attendre, il est là debout. Il faut maintenant faire ce qu'on appelle le rite de dévocation. Parce que vous avez fait le rite d'invocation, il faut également faire le rite de dévocation. Donc, rite d'ouverture et rite de fermeture. Et quand vous avez fait votre rite de fermeture, vous recouvrez la tombe tranquillement. Parce que vous allez ouvrir cette tombe-là. Je vous dis, ça, c'est ce qu'on appelle la nécromancie. Là. Vous allez ouvrir. Et quand vous ouvrez, vous verrez vous-même vis-à-vis comment ce mort-là va se lever. Donc, une fois que vous avez récupéré le crâne, que lui-même, il va vous remettre sa tête, il va vous remettre ça, vous faites donc le rite de dévocation. Et une fois que vous avez fait ce rite de dévocation, vous tournez le dos. Vous sortez de là, vous marchez vers où vous êtes venu, vous faites le rite du retour. Que voilà, vous quittez le royaume des morts, vous quittez, parce que vous êtes venu obtenir, vous avez pu obtenir ce que vous avez voulu, et ainsi de suite. Là, vous allez retrouver à la sortie du cimetière, et vous partez chez vous. Vous amenez le crâne avec vous. Une fois vous avez ce crâne, vous allez amener ce crâne et le planter au sous-sol de votre temple. Tout comme les prêtres, vous connaissez l'église catholique, ce qu'ils font, et même d'autres églises. Ils enterrent les morts, les corps des autres prêtres sous l'autel. Mais je vous informe que, en fait, cette technique, ils ont volé ça de chez nous, de l'Afrique. Après, ils viennent nous condamner que nous, on est des sorciers. Mais si c'était sorcier, pourquoi ils font la même chose? Bref, donc, vous allez prendre ce crâne. Ce crâne, vous allez l'enterrer, donc, ici, là où je vous parle, c'est mon temple, hein, je vous informe. Et il y a mon hôtel qui est là-bas. Donc, c'est sous cet hôtel-là, vous allez creuser, que vous mettrez le crâne du premier mort du cimetière. Vous allez donc enterrer le crâne du premier mort du cimetière. Vous allez le mettre sous l'autel de votre temple. D'accord? Mais une consigne très importante, c'est que une fois vous allez avoir ça, retenez bien que seul vous, en tant que prêtre, en tant qu'initié, en tant que sorcier, seul vous aviez accès à ce lieu saint. Donnez des consignes à la famille. Aucune personne ne doit rentrer là-bas. Que ce soit vos enfants, que ce soit votre épouse, quiconque osera rentrer à l'intérieur sera frappé d'une mort brutale. Et vous-même, vous pouvez avoir même des ennuis. Oui. Ça peut vous perturber. Et vous-même, vous pouvez même avoir des ennuis. Donc, attention, s'il vous plaît, rassurez-vous que quand vous amenez ce crâne-là chez vous, donnez des consignes strictes que pas question de pouvoir accéder qui que ce soit dans ce milieu. Maintenant, ce crâne-là, c'est en fait l'esprit. C'est l'esprit, n'oubliez pas, du premier mort du cimetière de l'Ikwala ou bien du premier mort du cimetière d'Ombwe. Alors, s'il est le premier mort du cimetière d'Ombwe ou de l'Ikwala, ça veut dire en fait que c'est lui, en réalité, le chef gardien de ce cimetière. Vous comprenez? Ça, c'est le chef gardien de ce cimetière-là. Ça veut dire que là, vous travaillez donc avec l'esprit du plus grand sorcier, c'est-à-dire que le chef de tous les esprits de tout ce cimetière. Si ce cimetière-là a près de 3 000 âmes, 3 000 personnes ont été enterrées dans ce cimetière, ça veut dire que là, vous avez donc tous les pouvoirs. Parce que dans ce cimetière, il y a des gens qui étaient des milliardaires. Dans ce cimetière, il y a des gens qui étaient des femmes qui étaient capables de donner des enfants. Il y a dans ce cimetière, il y a des gens qui étaient capables de ceci et cela, qui étaient des présidents, des députés. Donc, du coup, ce crâne-là que vous avez va vous demander, va vous faire certaines demandes. Mais c'est vous de mettre vos vœux. Donc, tous les vœux que vous allez émettre auprès de cet esprit représenté par le crâne que vous avez planté sous votre autel, dans votre temple, l'argent, il va donner. Le pouvoir de devenir président de la République, il va donner. Faire en sorte que vos enfants soient toujours très intelligents, il va donner. Mais parce qu'il est le chef de ce métier, n'oubliez pas. Pourquoi? Parce que lui, il va contacter les esprits des autres qui étaient des gens très forts dans ces domaines précis. Donc, lui, il vous donne tout. Souvenez-vous que le titre de notre enseignement aujourd'hui, c'est comment, à travers le crâne et le chapeau noir, qui va être la prochaine étape, comment peut-on maîtriser les esprits tels que les anges, les démons, les génies, les ancêtres. Là, je vous parle seulement au niveau des ancêtres. Là. Si ce ne sont pas vos ancêtres, vous pouvez même commander n'importe quelle demande parce que cet esprit, dans la chefferie spirituelle, lorsque vous travaillez avec l'esprit du chef ou l'esprit du chef d'un cimetière, en fait, c'est comme si vous travaillez avec un président de la République. Ce président vous donne tout. Mais imaginez-vous que vous ayez les clés du palais du bord de mer, ceux qui sont au Gabon. Vous pensez qu'il va vous manquer de quoi? Vous voulez les voitures? Il y a un grand palais, un grand garage de voitures dans la voiture. Vous voulez les milliards? Mais on va vous donner l'argent. C'est comme ça. Donc, le comble dans cette affaire, c'est que le crâne va exiger que vous alliez déposer à sa tombe des aliments. Une fois en passant, le crâne va vous dire, l'esprit va vous parler que, ah, il est grand temps d'aller me poser telle chose. Des choses que le crâne va vous dire, parce que vous ne connaissiez pas ce mec-là. C'est un crâne peut-être qui a 3000 ans, ou bien qui a 500 ans. C'est lui le premier qui a été enterré dans ce cimetière. Donc, il va vous exiger que non, il faut aller déposer les aliments sur ma tombe. Il faut aller déposer le vin. il faut aller déposer les colas, il faut aller déposer je ne sais pas quoi. Il va vous exiger beaucoup de choses, il faut faire très attention. Il peut vous exiger beaucoup de choses. Un bon matin, pendant que vous dormiez, vous êtes là tranquille avec votre femme ou bien vous êtes au bureau, l'esprit va vous parler. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le temple. Hein? Ah oui, non, mais parce que cet esprit est dans votre temple, mais ça veut dire que cet esprit est maintenant avec votre esprit. Vous avez fait venir un grand esprit. Il va vous exiger du sang. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, il peut arriver le moment, il va vous exiger du sang. Donc, faites très attention. Voilà pourquoi je ne fais que vous avertir que ce rite que je partage ici, là, ce n'est pas réservé aux Niakouins. Maintenant, quand il vous exige le sang, ne cédez pas à ses caprices. Souvenez-vous, l'objectif, c'est comment maîtriser les caprices de ces esprits-là. Au lieu que ce soit ces esprits qui vous soumettent à leurs caprices, mais c'est vous, votre rôle, de pouvoir maîtriser les caprices de ces esprits. Donc, vous, à votre tour, votre rôle, c'est de leur donner à manger. C'est de leur donner du vin. Et si possible, même aller déposer de l'argent là-bas au cimetière. Voilà pourquoi je vous informe, vous les jeunes, là. Hein? Vous verrez, il y a des gens, le 1er novembre, à la fête des morts, il y a des gens qui amènent des millions, hein? Ah oui, oui, moi j'ai vu des gens. Ils amènent les gros billets des banques, là. Ils déposent, pa, pa, pa. Et tu arrives là, tu dis, ah, mais tout cet argent-là. Vous ne savez pas. Ça peut être quelqu'un qui a signé un contrat avec l'esprit de mort de ce cimetière ou l'esprit de mort de cette tombe. Donc, soyez très prudents dans cette pratique, car on va vous exiger le sang. C'est valable pour l'autre pratique que je vais vous amener tout à l'heure avant de finir avec celui-ci. Donc, il faut donc retenir que il faut beaucoup insister quand l'esprit vous parle de toujours le réorienter. C'est-à-dire, il faut toujours le guider. Il faut toujours l'influencer. Il faut le tenser. Moi, quand je vous dis je les tense, les gens prennent pour un fou. Mais moi, je n'ai pas de, j'utilise pas le crâne de mon père. Ça ne me sert presque à rien. J'utilise mon pouvoir à moi. Parce qu'en 46 ans d'élévation et d'ascension spirituelle, j'ai atteint un niveau où j'étance tous ces esprits, des anges jusqu'aux esprits les plus bas. Mais pour certains qui ont sollicité, qui m'ont dit non maître, nous on ne veut pas ça, nous on veut nos choses de l'Afrique. Là, suivez de près les consignes que je vous donne. Les crânes que vous êtes allés chercher, c'est un esprit. Il s'agit du crâne du gardien de ce métier. Il s'agit du crâne du plus vieux, c'est-à-dire le premier mort qui a été entré dans ce cimetière. Il s'agit de son crâne avec lequel vous allez travailler. Donc, il va vous faire des caprices. Et les caprices, je vous ai dit, il exigera le sang. Personne n'a le droit de rentrer dans ce temple en dehors de vous-même. Vous devez lui donner le tabac, vous devez lui donner le vin, vous devez lui donner la nourriture telle qu'il demande. Mais à un moment, il va vous dire, moi je veux le sang. Tu l'engueules, tu dis, le sang de quoi? N'osez même pas donner le sang d'une poule, ni donner le sang des moutons. Parce que si ça commence par le mouton, je vous dis, il finira par prendre vos enfants. J'espère que mes frères initiés comprennent l'importance de ce rite. C'est très, très, très, très, très important. Voyez-vous? Donc, en résumé, il faut retenir que le gardien du cimetière, il y en a deux. Le premier, ce gardien du cimetière, plutôt le gardien du cimetière, c'est différent du plus vieux, du premier mort de ce cimetière. Le gardien du cimetière, c'est ce qu'on appelle, dans le plan matériel, il existe des croque-morts. Vous connaissez les croque-morts? C'est des gars qui ils sont là à l'entrée du cimetière. Ils sont payés. Au Gabon, moi, j'en connais. J'ai un cousin qui faisait ça. Et c'est des gars initiés. Hein? Ce sont eux qui gardent l'entrée du cimetière. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui viennent voler les morts. Qui viennent voler les ossements. Donc, leur rôle, c'est ça. Ils sont même armés. Armés mystiquement et armés. Ils ont des armes. Voyez-vous? Mais ici, il s'agit du gardien de cimetière dans le plan mystique. Que vous allez rencontrer une fois. Vous allez, utiliser le mot de passe là. C'est-à-dire mort, mouvement obligatoire du retour vers la terre. Une fois vous faites cela devant le cimetière avec votre poudre rouge, vous écrivez sur le sable, vous allumez. Il y a un autre détail que j'ai oublié, pardonnez-moi. Une fois vous avez écrit donc le mot mort, vous devez allumer les bougies rouges. J'en ai des bougies ici. Les bougies blanches également. Donc, bougie blanche, bougie rouge, le nombre importe peu, mais je vous recommande d'avoir deux bougies blanches et deux bougies rouges qu'il faut brûler. Vous les allumez. Et c'est le chef du cimetière que vous devez appeler. Et le chef du cimetière va vous demander le mot de passe. C'est ça. Ça, c'est l'introduction quand vous allez vous présenter. C'est le détail que j'ai oublié de vous dire. Quand vous allez tracer le nom mort et ensuite mouvement obligatoire du retour vers la terre. Donc, le chef, pour ne pas dire le gardien du cimetière, va vous demander quel est votre mot de passe. Et le mot de passe, vous dites, c'est mouvement obligatoire de transfert vers la terre. Plutôt, mouvement obligatoire du retour vers la terre, autant pour moi. Et une fois vous donnez ce mot de passe, le gardien du cimetière va vous faire rentrer. Il s'agit du gardien du cimetière Mindé. Mais ce gardien du cimetière, je le répète, apparaît uniquement quand vous allez faire les invocations, quand vous allez commencer à faire les incantations devant le cimetière, après avoir tracé avec ceci, avec cette craie rouge, ce que nous appelons chez nous le kaolin rouge, le mot mort. Et dès que vous allez faire ça, vous aurez la chair de poule. Et c'est là le gardien du cimetière va apparaître. Mais quand le gardien du cimetière apparaît, le commet des montagnes qui passe là, en Chimichos ou bien en face du cimetière, l'Ikwala, ne le verra pas et ne te verra plus. Tu es maintenant dans l'autre monde là-bas. C'est le détail très important que je vais vous dire. Et vous allumez donc vos bougies là, les bougies rouges et les bougies blanches. Et puis voilà, cela est fait. Maintenant, là, la consigne très importante qu'il fallait retenir, c'est de retenir en fait que le, comment on appelle ça, ce crâne-là, une fois vous l'avez à la maison, ça se met dans votre temple. Et je me résume pour conclure, parce que je ne veux pas que vous ne venez plus me poser la même question. Une fois c'est là, vous devez vous rassurer que personne ne met pied là-bas. Personne ne met pied là-bas en dehors de vous-même. De surcroît, vous verrez pourquoi la plupart des grands maîtres maçonniques, des grands initiés du Wit India et autres, ils ont toujours un lieu saint où personne ne rentre. Même nos mamans d'Abanji, nos mamans qui sont initiées dans certains rites, même Dinjembe, elle a toujours son endroit saint, là où elle garde tout son bouti. C'est interdit de mettre pied. Parce que ces esprits-là, quand ils vont vous gifler, là. Et de surcroît, celui-là, retenez que s'il s'agit du crâne de qui? Il s'agit du crâne du premier mort de cimetière. C'est ce crâne que vous êtes allé chercher. Après avoir utilisé le rite de la craie rouge, du kaolin rouge et tout, vous avez utilisé le code mort. Donc, tout le monde a compris le sens de l'explication du mot mort. Bien. Ici, nous allons passer au deuxième rite. J'ai fini avec le premier, il s'agit du crâne. Donc, je vous donne les consignes. Avec ce crâne-là, vous allez avoir les millions, vous allez avoir ce que vous voulez. Mais, dernière consigne, évitez d'être trop exigeant. Ne lui demandez pas trop. Parce que plus vous allez demander, eh bien, ne soyez pas surpris que vous allez trouver votre bébé ou votre épouse, elle est morte. Ah oui, parce que si vous lui demandez trop, vous ne pouvez plus maîtriser sa force. Ça dit qu'à un moment même vous, il ne vous demande même pas. Il ne va même pas te dire, moi j'ai besoin du sang. Direct, il va prendre. Mais pourquoi? Parce que tu lui exiges trop de choses. Mais en son tour, il dirait, bon, attends, mais lui là, il pense qu'il est qui, il est quoi? Mais moi, je veux le dribbler. Vous comprenez? Donc, ne demandez pas trop. Si vous avez demandé 50 millions cette année, ou bien 100 millions, contentez-vous d'abord de ça. Laissez ça se multiplier et ça va travailler. Et ainsi de suite, ne l'exigez pas. Mais si vous commencez, oh, je veux un milliard, oh, je veux ceci, oh, j'aimerais que Ali Bongo me nomme ministre, oh, je veux que Ali Bongo me nomme ambassadeur. Vous demandez toutes ces choses-là. Le crâne est là, il est content, il vous donne tout. Mais le crâne, donc l'esprit du premier mort du cimetière de l'Ikwala va vous attendre au carrefour et dira, mais c'est pas possible. Monsieur Inchonyotol, il me demande trop. Mais monsieur Inchonyotol, il me prend pour qui? Ben attends, je vais essayer de calboigner sa femme. Donc, il faut faire très attention. Maintenant, nous allons passer donc au deuxième rite. Le deuxième rite, il est presque pareil au niveau de l'entrée. À l'entrée, c'est pareil pour le deuxième rite. C'est-à-dire, vous avez votre kaolin rouge. À la différence, souvenez-vous, je vous disais que vous devez amener la nourriture, ceci, cela. Là, avec le crâne des morts, là, vous n'amenez pas les histoires des poils, des machins, de l'huile. Non, non, non, non, non. Là, c'est le deuxième rite. Il s'agit du rite pour aller prendre le chapeau noir auprès du chef des morts, mais qui vit quelque part dans ce royaume des morts. Il vit dans la forêt. Et cette forêt est très loin de la ville. Une forêt qui est dans une forêt qui est dans une ambiance sombre, lumière opaque, ténébreuse, lugubre, effrayante. C'est là-bas où il vit. Même les gens. Bref, commençons d'abord le rite. Vous avez ça, vous écrivez mort. Vous avez vos deux bougies rouges et deux bougies blanches. Vous les brûlez, vous les allumez. Vous passez à l'invocation. Vous parlez. Et dès que vous parlez, vous faites le rite. Vous faites l'invocation. Eh bien, la porte s'ouvre. Mais devant vous, le gardien du cimetière, je parle du gardien mystique, qui est mort, qui est là-bas de l'autre côté, va se présenter. Donc, c'est déjà un bon signe. Dès que vous verrez quelqu'un qui va apparaître, vis-à-vis comme vous pensez que vous êtes encore en chair, mais vous êtes déjà rentré. Ce portail spirituel a fermé le portail physique. Donc, vous êtes rentré maintenant. S'il y a quelqu'un qui est là, il ne vous verra pas. Monsieur Mabako a disparu. Il est maintenant là-bas. Donc, tous ces miracles se passent. Vous voyez les tombeaux qui sont là, vous dites qu'il n'y a rien. Or, il y a des choses, des mystères. Les tombeaux que vous voyez, ce ne sont que des apparences. C'est un monde réel. Il y a les voitures là-bas. Il y a les villas là-bas. Il y a les écoles. Il y a les marchés. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai été. Mais pas à travers ces rites. Moi, j'ai été là-bas à travers la technique de sortie astrale avancée. C'est pour ça qu'on vous demande. Dans l'initiation d'Isis, j'ai expérimenté cela. Et je continue à le faire de temps en temps. Aller rendre visite au monde. Je vais rendre visite à mes parents, mes grands-parents. Je vais rendre visite à mon père, à ma mère, quand je veux, en dehors. C'est pour cela, moi, les rites de les convoquer, je n'en ai pas besoin. Moi, je vais les parler, je vais directement là-bas. Je les vois, je vois comment ils vivent. Je sais à quel niveau ils sont en ce moment. Prenez ça de fou, mais attention, c'est la vérité que je vous dis. Tout initié doit comprendre ce que je dis. Quand vous mangez le bois sacré, ceux qui sont initiés dans le Bouit India, vous savez de quoi je parle? Dans le Bouit India, on ne vous a jamais montré la ville de France pendant que vous êtes là? On ne vous a jamais montré comment on découpe un bébé devant vous? On prépare la banane, le bananier pousse devant vous, le bébé qu'on a découpé, un bébé vivant qui pleure et tout, on le découpe, on le fait bouillir devant vous. Ce n'est pas de la superstition, ça. Mais c'est le monde parallèle. Dans le monde parallèle. J'ai assisté à cette cérémonie dans un village appelé Sindara. En 1975, j'ai vu ça. J'étais encore tout jeune. J'étais entraîné par un oncle à moi. C'est-à-dire l'un des enfants du vieux Kakamweka, qui était Bapidji, grand initié du Bouété. J'ai assisté. Donc ce que je vous dis là, ça se passe exactement pareil. Pareillement dans certaines nourrices de chevaux. Donc une fois vous êtes rentré, le gardien donc va... Vous donnez le mot de passe. Et vous donnez le mot de passe. Mort. Hein? Mort. Mouvement obligatoire du retour vers la terre. Oh, oh, d'accord. Vous passez. Mais dès que vous passez, il faut trouver maintenant quelqu'un qui va vous amener auprès de ce type-là que vous cherchez, le gardien du cimetière. Alors, ce n'est pas compliqué. Vous verrez beaucoup de gens qui sont là, qui tournent à gauche, à droite. Chacun va à ses activités. Vous serez surpris, même les cabris. Beaucoup de gens. Ils sont là. Ceux qui sont initiés du Bouiti disent Umba, s'il vous plaît, mon Dieu. Ou Bouiti India. On voit ces miracles. J'ai vu moi-même comment un frère à moi avait reçu la grande protection mystique. On a pris son corps de bébé. On l'a découpé devant moi. On l'a bouffé. Les initiés l'ont mangé là, avec la banane, tout. Le bananier a poussé. On nous a montré la ville de France, Paris, bien, en direct. Mais c'est quoi? C'était au monde des morts. Donc, Bouit India, c'est pour cela, les colons avaient peur des grands bouitistes d'époque, parce que le Bouit India, en fait, c'est le Bouit martial. C'est le Bouit mystique le plus avancé. Un Bouit martial qui permettait également, dans le plan physique, matériel, étant, qu'on appelle ça, mystico-spirituel, mais dans le plan matériel. Que le vieux général Boulingui maîtrisait. Quand le vieux général Boulingui disait qu'il était capable de rendre le Gabon toute une forêt, c'est-à-dire que quand l'ennemi venait là, même les avions viennent, ils voient seulement une forêt, ils ne voient pas les maisons, ils ne voient pas le palais du bord de mer. Tout devient complètement la brousse. Vous pensez que c'est des gnaquins? Mais c'est la maîtrise de ces histoires que je vous parle. Donc, une fois donc que vous êtes rentré, je disais, il y aura beaucoup des enfants, des hommes, des machins qui vont vous voir. Et c'est comme ça que vous allez interpeller. Vous allez appeler. S'il vous plaît, oui, les gens vont s'arrêter. Ah, je veux savoir là où habite le gardien du cimetière là. Il est où? Ah, vous voulez savoir là où il habite? Oui. Les gens vont même avoir peur. Ah, lui là, Ezora, hein? Lui qui vit, lui là, on ne le voit pas n'importe comment. Regardez là-bas, vous voyez la forêt là? Oui. Et dès que vous allez voir cette forêt, c'est une forêt sombre, une forêt ténébreuse, une lumière bizarre. C'est comme si, je ne sais pas comment expliquer ça, il y a une lumière opaque qui couvre la forêt, alors que la ville elle-même, elle est bien, bien, bien, bien, bien. Mais dès que vous approchez vers la forêt, cette forêt, elle est vraiment bizarre. Des bruits bizarres qui viennent de là-bas. Donc, les habitants vont vous dire, c'est là-bas il faut aller. Il y aura quelqu'un qui va vous amener. Il vous amène. Voyez-vous, il va vous amener là-bas et il va vous montrer l'entrée de la forêt. Et à l'entrée de la forêt même, vous verrez quelqu'un qui va apparaître. Et ce quelqu'un-là, c'est celui-là qu'on appelle le gardien du cimetière. Et généralement, ce gardien du cimetière, pour votre information, collabore toujours avec l'ange de la mort, dont parlent les livres saints. Dans la Bible, vous avez entendu parler de l'ange de la mort, non? Cet ange de la mort qui agit après le millénaire ou bien avant le millénaire, il y a un ange de la mort que l'Éternel a envoyé. Mais toutes ces littératures-là, vous pensez que c'est des conneries? C'est basé sur nos traditions. Lesquelles traditions? Malheureusement, je n'ai pas pu voir le livre. Le livre d'Anta Chakadiop, Cheikh Anta Diop, là, qui parle justement de ces choses-là, comment ça se passe en Égypte. Donc, ce gardien du cimetière collabore avec l'ange de la mort. Et ainsi, quand vous allez vous présenter devant ce monsieur, il faut maintenant lui donner ce que vous avez amené. Donc, quand il s'agit de l'ange de la mort, là, c'est là que vous devez amener les œufs. Je vous ai dit au début, il vous faut amener les œufs, un paquet d'œufs, des 6 œufs là. Il faut amener l'huile d'olive. Il faut un respect, c'est quand même un chef. Vous n'avez pas amené l'huile de palme, n'importe quoi. Amenez l'huile d'olive ou bien l'huile de palme de préférence. Mais l'huile de palme, ça dégage trop. Amenez l'huile d'olive. Les gens posent la question, mais maître, comment vous allez amener l'huile dans ce autre monde? Mais oui, tout cela, tous ces éléments-là vont rentrer avec vous dans le monde du royaume des morts. Voilà la réponse que je vais vous donner. Donc, une fois, vous avez donc votre poêle, vous avez les œufs, vous avez votre petit réchaud, vous préparez les œufs là. Par prudence, vous allez les préparer. Maintenant, si vous êtes un maître très fort, qui a un taux vibratoire très élevé, parce que le gardien de ce cimetière qui vit dans la grande forêt où personne ne le voit n'importe comment, c'est lui qui commande tout le monde. Différent de l'autre, qui est le premier mort de ce cimetière, qui est également un gardien à sa façon. Mais celui-ci, il vit dans la forêt. Donc, ce mec-là, pour qu'il vous donne ce qu'il a à vous donner, il faut lui donner l'omelette. Pourquoi? Parce que l'œuf symbolise l'embryon. L'œuf symbolise la vie. Et souvenez-vous, pour ceux qui m'ont suivi dans les enseignements que j'ai donnés sur comment convoquer la femme des eaux, en dehors des biscuits, de la limonade, il faut poser également des œufs. Les génies aiment les œufs. Même pour la convocation de certains démons, ils ont besoin des œufs. L'œuf symbolise l'embryon. C'est une forme de sacrifice. Donc, ce gardien de cimetière, quand vous allez vous présenter à lui, il va vous poser la question. Il sait que vous êtes déjà là-bas. Mais il va vous poser la question pour vous tester. Et quand il vous pose la question, il vous regarde dans les yeux. Et imaginez-vous que si vous êtes un Yakoué, vous ne pouvez même pas arriver à ce niveau-là. Pourquoi? Souvenez-vous que lorsque les mecs là que vous avez rencontrés, les gens qui habitent dans cette ville des morts, vous ont indiqué que là-bas, vous demandez qui? Vous dites, oh non, je vois le gardien du cimetière. Vous allez le voir, il habite là-bas. Oh. Ils ne vont même pas vous regarder en face. Ils vont avoir peur parce qu'ils connaissent que ce type-là, c'est le chef des chefs. Donc voilà pourquoi, quand vous êtes en face de lui, votre taux vibratoire l'impressionne en fonction de votre spiritualité. Il peut ne pas vous demander l'omelette. Mais généralement, on peut lui donner autre chose à la place. Vous pouvez lui donner quoi par exemple? Vous pouvez lui donner sûrement la cola ou les arachides. Ou vous lui donnez le vin. Mais il est recommandé, par mesure de prudence, la première fois quand vous rentrez là-bas, d'amener avec vous votre réchaud, les œufs, l'huile, pour les frire là-bas, dans le royaume des morts. Il ne faut pas les préparer quand vous êtes dehors, là, ici, là, dans le plan matériel, là, nous sommes. Non, non, non. Ça va aller avec vous quand vous aurez le code secret sur la mort et le gardien du seuil de l'entrée du royaume de cimetière là-bas vous donner accès et puis voilà, vous amenez ça avec vous. Donc, vous offrez l'omelette et en retour, il va vous donner le chapeau noir. Il vous le remettra. C'est tout. Il va vous demander qu'est-ce que vous voulez. Vous le regardez en face, mais papa, toi aussi, tu sais ce que je suis venu chercher. Tu sais ce que je suis venu chercher, tu sais quoi? Si tu veux l'embêter, tu dis, mais tu sais ce que je suis venu chercher. Vous lui parlez avec autorité, mais tu sais ce que je suis venu chercher, non? Et puis voilà, comme un bâton magique, il vous remettra le chapeau. Et une fois il vous remet ce chapeau, eh bien, tout ce que vous désirez, vous allez le recevoir. Tout ce que vous désirez, le chapeau noir vous le donnera. C'est la même consigne. Là, vous avez déposé le crâne, c'est la même chose pour le chapeau. Vous allez prendre ce chapeau-là. Vous allez donc l'amener à la maison et vous allez le déposer à un coin de votre temple. Bon, vous n'allez pas l'enterrer. Le crâne, c'est le crâne qu'on enterre. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, hein, pour l'autre rite-là. Vous enterrez le crâne sous votre temple, sous votre autel. Mais le chapeau, vous le déposez à un endroit de votre autel. Ce chapeau doit être là. Il ne doit pas être porté n'importe comment. D'ailleurs, on ne le porte pas en réalité. Mais j'ai vu certains chefs d'État, je ne vais pas vous dire lequel, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, j'ai identifié deux. L'un d'eux a ce chapeau noir. Et je sais de quoi je parle. Quand j'étais au Burkina Faso, j'ai senti des vibrations. Ce monsieur-là a le chapeau noir. Ouais. Et au niveau de l'Afrique centrale, je parle du Gabon, je connais trois personnes. Et parmi ces trois personnes, il y a un qui était haut conseiller de la République à l'époque d'Omar Bongo. Il a également ce chapeau noir jusqu'à présent. Mais je crois qu'il s'est exilé en France. Il n'a plus voulu rester au Gabon après le vent. Bref, c'est pour vous dire que ce chapeau, circonstanciellement, il y a des gens qui le portent. Mais je ne conseillerais pas. Le chapeau reste dans le temple. Avec ce chapeau, donc, vous pouvez tout avoir. Vous pouvez tout avoir. La même chose comme le crâne. Tout ce que vous désirez, l'esprit va vous le donner. Mais une fois de plus, c'est la même consigne. Pas d'abus. Si vous demandez trop, vous comprenez ce qui va, de toute façon, le chapeau va demander, et bien, il va demander le sang. Seuls les initiés, comme je le disais tantôt, à cause du taux vibratoire trop élevé, parce qu'un véritable initié doit avoir la capacité d'invoquer, d'évoquer ces esprits-là. Et retenez que ce chapeau-là aspire beaucoup d'énergie. Et le fait que ce chapeau aspire beaucoup d'énergie éthérique, il vous est donc recommandé de ne pas amener des gens qui sont des subordonnés, c'est-à-dire quelqu'un... Bon, vous-même, vous allez écouter hein, ce prêtre-là, le prêtre Ngoyi du Congo. Bon, lui, il va partager son expérience, hein, que quand il est allé le faire... Bref, je préférais le laisser parler tout à l'heure. Voici un peu ce que je pouvais vous dire sur les deux rites. Et les questions, vous les poserez tout à l'heure. Permettez-moi que je puisse rentrer en contact. Je vais essayer de tenter d'appeler donc le prêtre Ngoyi, qui est au Congo, qui est un initié des grands rites de chez nous, et qui est celui-là qui avait partagé et qui m'avait montré ce rite. Je vais pouvoir l'appeler et nous allons l'écouter. S'il est disponible, mais je crois qu'il doit être disponible, il est en train de nous suivre. Je vais essayer de l'appeler. Ah, ça c'est le grand maître Ngoyi. Oui, bonjour. Alors là, je ne sais pas. Va? Ben, ça va très bien. Hein? Moi, j'ai dit non parce que les gens me prennent de fou. Quand je viens dire, je leur ai dit que ah, ça c'est mon maître. C'est mon maître Ngoyi qui m'a donné ce rite-là. Et c'est un rite très puissant. Donc, je t'ai appelé parce que tu as partagé une expérience avec moi et j'aimerais que tu puisses partager cette expérience avec l'audience qui t'écoute. Comment, quand tu étais encore tout jeune, là, je parle des gens qu'on appelle les subordonnés, c'est-à-dire les personnes. Oh là là, oh là là, Laurite, j'ai dit Laurite, le réseau là en Afrique, c'est compliqué là. Oh là là, oh là là. C'est dommage. Vous savez, le réseau avec l'autre côté là, c'est compliqué. Je vais retenter à nouveau. Bien, apparemment, on a un problème de réseau. On est entrecoupé. S'il nous suit, si le réseau n'est pas bon, peut-être que tu pourras rappeler après. Attends, je vais laisser le message. Bon, écoute, il y a des difficultés de nous contacter. Il y a un problème de réseau. Donc, ma question était sur... Après nos bonnes expériences, je tiens à te remercier beaucoup vraiment de me donner ce rite-là et qui me sert beaucoup et qui peut servir également à d'autres personnes. Et j'aurais souhaité que tu viennes partager ton expérience parce que j'ai fait mention effectivement de certaines personnes qui peuvent accompagner un grand initié à aller faire ce rite. Et je sais que c'est des risques, mais puisque toi tu as l'expérience et tu descends d'une grande famille qui a vécu de ça des millénaires et des millénaires, oh voilà, il rappelle. Il est en train de me rappeler, je parle. J'espère qu'on ne va pas être coupé, hein? Bien. J'avais même laissé le voice. Donc, je disais que j'ai expliqué ici, là, à l'audience que ce rite que tu m'as partagé et que beaucoup de grands initiés de chez nous, dans la zone du Gabon, Congo, Cameroun et même l'Afrique de l'Ouest connaissent, ce rite-là, normalement, il faut être un véritable initié. Un homme qui est quelqu'un de très avancé directement dans ces histoires-là. Mais toi, tu as partagé avec moi une expérience quand tu étais encore tout jeune et que le vieux papa, le grand-père vous a amené. Là, je fais allusion au subordonné. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un qui est subordonné, c'est-à-dire qui n'est pas un grand initié, peut accompagner un grand initié d'aller lui aussi chercher son chapeau là-bas? Et quelles sont les consignes à donner? Parce que est-ce qu'il doit rester là les bras ballants ou bien il doit attraper l'initié ou comment ça se passe? Raconte-moi un peu ton expérience au Congo quand tu es encore tout jeune et que tout le monde puisse en profiter pour pouvoir être sensibilisé. Oui, pour une personne qui veut avoir le chapeau, donc il n'est pas interdit. Donc, il faut aller avec le maître de l'église. Donc, moi, je suis allé avec le grand-père. Nous sommes arrivés à l'entrée, comme tu as expliqué. Nous avons fait le rite d'invocation, le rite d'appel pour invoquer les ancêtres et demander à ce que le gardien nous reçoive. Nous sommes arrivés. Et arrivé là-bas, on a fait ce qu'il fallait faire, comme tu l'as dit. Nous avons préparé les omelettes. On nous a remis le chapeau. Et nous sommes repartis. Là, c'était pour mon initiation, pour comprendre et savoir le chemin qui va faire les différents codes, tout ce qui est le cérémoniel. Maintenant, une fois que je suis parti avec quelqu'un, mais c'est une autorité politique, je tais le nom, nous sommes allés. Il voulait conserver son poste de premier ministre. On est parti avec lui. Et je lui ai demandé de me tenir parce qu'il n'était pas, il n'était pas initié, lui. Donc, il avait des énergies basses. Donc, pour le garder de ses métiers, il devenait comme un gibier. Donc, il fallait qu'il me tienne par le coude, il me tienne très fort. Partout où on passait, je lui disais de ne pas faire attention aux personnes qui vont le regarder. Il va sentir que Parfois, on l'appelait comme ça, on lui disait, tu es un humain, qu'est-ce que tu fais ici? Mais comme il était avec moi, on lui faisait aucun mal. Nous sommes arrivés jusque devant le gardien, dans la forêt du gardien du cimetière. Je me suis présenté, je me suis dit, non, je suis venu prendre le chapeau pour donner à ce monsieur parce que il veut conserver son poste de premier ministre, il veut être riche, il adhère, faire tout ce qu'il veut, il veut le bien matériel. En se présentant, le gars du cimetière, il avait faim, j'ai donné des omelettes, et il avait aussi demandé les offrandes. Malheureusement pour lui, on lui avait demandé les offrandes. Il en avait apporté les offrandes, j'ai donné, et à la fin, il m'a remis le chapeau. Une seule condition, il lui a dit, chaque fois, il faudrait qu'il revienne pour pouvoir toujours remercier les esprits du cimetière. Et nous sommes repartis. Et il avait son chapeau. Et quand il avait été dans le besoin de pouvoir utiliser, parce qu'il ne faut pas qu'il utilise n'importe comment, on lui avait donné des recommandations précises. Donc, seulement quand il y avait des événements qui exigeaient il faut utiliser le chapeau, il l'utilise. Et il a suivi les recommandations. Et jusqu'à aujourd'hui, ce monsieur est toujours resté premier ministre, malgré les présidents qui sont passés, il a toujours gardé son poste. Il est toujours resté là. Merci beaucoup, Bassé, comme on dit chez nous ici là. Merci beaucoup, Ngoï, le grand prêtre Ngoï. Je te remercie pour cette précision. Donc, retenez bien ce que venait de dire notre prêtre Ngoï de la confrérie du pays là-bas. Il a été clair que c'est des cas exceptionnels, mais ne prenez pas ce risque. Pourquoi? Parce que le monsieur qui est allé avec lui, qui aujourd'hui a toujours son chapeau, a suivi les consignes du prêtre. Parce que ce frère avec qui je parle là, il est prêtre de la grande confrérie de la sorcellerie de chez nous. Donc il maîtrise ce rite-là depuis le jeune âge. Donc quand il est parti avec lui, il a demandé de l'attraper par le coude. Il fallait qu'il l'attrape par le coude. Mais seulement quand vous êtes là-bas, ces esprits-là savent. Les esprits savent que le prêtre Ngoï, c'est un grand initié. Donc, on ne l'appelle pas un humain. Nous autres qui sommes initiés, quand on va dans le royaume des morts, on ne nous appelle pas humains. Jamais. Mais comme il était accompagné de quelqu'un qui n'était pas initié et quelqu'un qui voulait les biens matériels et tout, voilà pourquoi les esprits voulaient l'embêter. Et Dieu merci qu'il a respecté les consignes. Parce que s'il ne restait pas la main attachée au prêtre Ngoï, je vous tombe là-bas. Et une fois il reste là-bas, ben, le prêtre Ngoï pourrait revenir tout seul. Et le monsieur ne pourrait pas revenir. Est-ce que je me trompe dans mes propos? Non, je ne comprends pas. C'est même ça. Je ne comprends pas. Voilà. Et tout de même, il faudrait que le public sache que c'est pas, faut pas prendre des risques bêtes parce qu'on a besoin de pouvoir. Ce sont des risques maintenant. Et que celui qui osera le faire, il s'attend une mort certaine parce qu'il n'est pas initié. D'accord. Bon, merci beaucoup. Là, je t'entends plus, mais il y a des interférences. Je vais donc le dire à haute voix ici sur le live. Hein. Merci encore. Merci pour ton partage. Merci. De rien, mon frère. Merci beaucoup. Merci à toi, en tout cas. Oh, je t'en prie. Merci. Vous avez tout suivi. Je vais le répéter à haute voix. D'accord, pardonnez-moi, le petit téléphone en train de se balader à gauche à droite. Notre prêtre Ngoï, c'est son nom, de grand initié de la sorcellerie africaine. Il est du Congo, né au Congo. Il a sa grande famille qui est là-bas. Il n'est plus à présenter au public. C'est l'arrière-petit-fils du roi Makoko. C'est un grand maître. Il est prêtre d'Njobi, prêtre de beaucoup de rites. Donc, ces rites-là que je viens de partager avec vous, c'est un rite qui est bien connu de certains pratiquants du Nzobi et certains pratiquants même du Buitindia, de chez nous au Gabon. Parce que souvenez-vous que le roi Makoko couvrait le Gabon, le Congo et le Centrafrique. Donc, tous ces rites que je vous parle, c'est des rites qu'on trouve chez nous. Beaucoup des ministres même de notre gouvernement-là, ils pratiquent ça. Mais la consigne qu'il faut bien retenir, c'est que ceux qui veulent insister que non, maître, pardon, nous, on veut vraiment avoir ce chapeau-là. Le crâne, beaucoup ont peur, mais c'est surtout le chapeau que les gens cherchent. Et vous avez suivi ce qu'il a dit, il a confirmé ce que je viens de dire, que je vous ai cité le cas de certains présidents, qui ont ce chapeau-là. Je les connais jusqu'à aujourd'hui. Au Gabon, je connais les personnes qui ont ce chapeau. Mais on porte ce chapeau seulement circonstanciellement et même avec l'autorisation de l'esprit qui t'a donné ce chapeau-là. Parce que ça ne se porte pas comme un chapeau vulgaire, n'importe comment, aller n'importe où. Voyez-vous, par exemple, moi, ce chapeau, je peux me permettre de le porter n'importe où, ou bien mon chapeau rouge là-bas. Ça, c'est des chapeaux qui m'ont été remis. Hein? Ça, ce sont les... on les appelle comment? Les gens de ce pays-là. Bien, c'est un ancien pays indien. Il faisait partie de l'Inde à l'époque. Ils sont nombreux ici, là. Hein? Oh, comment j'oublie le nom? Népali, voilà, les gens de la Népal, ce sont eux qui m'ont donné ça, parce que je suis allé recevoir un rite chez eux. Donc, les chapeaux qu'on porte là, ce n'est pas de n'importe quoi, c'est des chapeaux qu'on vous donne après certains rites. Donc, disais-je, une fois vous êtes à l'intérieur du royaume des morts là-bas, si vous êtes avec un initié qui vous amène pour faire ce rite, tenez-le fort, vous, s'il vous plaît. Ne soyez pas impressionné, parce que vous allez être étonné. Oh, Agnabi, mais c'est pas possible. Mais ici, là, c'est même pire que Libreville. Oh là là! Il y a des feux rouges, il y a des trains, oh, où suis-je? Et vous allez être impressionné, vous allez vous perdre et vous resterez au monde du royaume des morts. Voilà ce que je voulais vous dire comme consigne. Si vous avez des questions, sentez-vous libre de poser des questions. Mais je crois que c'est autour de ceci que va prendre fin notre thématique du jour. De retenir que pour maîtriser les entités, pour maîtriser les démons, maîtriser les anges, maîtriser les génies de toutes sortes, maîtriser même les 72 archanges de la Kabbale, maîtriser même les 24 anciens qui sont autour du trône de Dieu, qui sont les archanges les plus avancés, les séraphins, ces esprits qui ne badinent pas. Ok? De maîtriser même les caprices des esprits même de nos ancêtres. Sachez que les archanges, les anges, les démons, les génies de toutes sortes, nos ancêtres, font beaucoup de caprices. Et qu'est-ce que j'entends par caprice? C'est que, à un moment donné, vous êtes là, si vous êtes là, tout en train de violer les lois de la vie, à un moment, il vous donne des signes, mais vous ne comprenez pas. Donc, à un moment, il peut vous gifler. À un moment, il vous gifle comment? Pas littéralement vous gifler comme ça. Vous verrez des malheurs qui vous tombent dessus. Alors que quand vous avez ce chapeau, ces esprits-là sont à vos commandes. Quand vous avez le crâne, ces esprits-là sont à vos commandes. Parce que ce crâne est un réceptacle. Les membres de Mélanin savent, chez les Bamileke, nos peuples, le peuple Bamileke du Cameroun, me comprennent mieux. Alors, retenez ceci. Ces éléments que je suis venu développer ce soir, c'est à la demande de certains d'entre vous qui ont sollicité des techniques traditionnelles de notre sorcellerie africaine. Au-delà de la pratique que j'ai faite, que je fais depuis 1974, où j'ai fait un mélange de 21 initiations, rose-croix, maçonnerie, magie indienne, macumba, ceci, cela, bouété, baptiste par là, 21 initiations. Beaucoup m'ont dit non, monsieur, nous vient, nous n'allons pas faire comme vous. Et je vous informe que j'ai failli mourir deux fois. Pas un être humain qui a failli me tuer. Ce sont ces archanges-là. Les archanges, il y a l'un d'entre eux qui m'avait giflé, je vous parle de ça. L'archange numéro 69, ceux qui ont le livre de la haute magie de la Kabbale pratique, allez-y vérifier. Archange numéro 69, ne blaguez pas avec cet archange. Et c'est plus tard que j'ai compris qu'il faut avoir des hautes fréquences. Il faudrait que vos vibrations soient à une haute fréquence pour pouvoir convoquer cet archange-là. Et on ne le convoque pas n'importe comment, pour des buts matériels, matérialistiques ou quoi. Et il y a un autre cas. Ça, c'est plutôt les magies des Indes, où j'ai convoqué ces mecs-là. Et bien, du coup, je suis tombé de mon tapis volant parce que le tapis, je n'ai pas fait le rite initial qui est le rite de démarrage ou le rite d'invocation. Parce que j'étais tellement trop confiant. Et l'esprit qui me transporte sur ce tapis m'a giflé. Et je suis tombé et j'ai eu un coup. Le coup, là, c'était grave. Pendant près de 2 ans, aller à l'hôpital, ça n'allait pas. C'est pour vous dire, il faut suivre à la lettre les consignes qu'on vous donne. S'il y a parmi vous, vous qui me suivez depuis l'Afrique, quand je parle de ce métier, il ne s'agit pas, vous êtes là-bas en France, toi tu es Gabonais, tu vas aller au cimetière de M. François Mitterrand, Mitterrand ne te connaît pas. Ça, c'est très important. Toi, tu es noir. Par mesure de prudence, je vous conseillerais de faire ce rite-là chez toi en Afrique. Parce que si toi, tu vas aller provoquer les esprits des blancs là, qu'on a enterrés au Paris 5e arrondissement, et puis les blancs là, ils vont te regarder. Toi, tu es qui là? Oh, moi, je suis venu ici là avec l'omelette. Le blanc va te dire quoi? Moi, je connais le camembert. L'omelette là, tu m'amènes pour faire quoi ici là? Donc, les rites que nous sommes venus partager avec vous, le prêtre Ngoyi, arrière-petit-fils du roi Makoko, descendant direct, prêtre par excellence de haut niveau et bien reconnu, il vous a cité le cas de certains grands hommes politiques pour qui il a fait des travaux. Ces rites-là que nous venons partager avec vous, ce n'est pas des rites à aller faire dans les pays des Blancs. C'est des rites qui sont de chez nous en Afrique. Si vous êtes au Bénin, si vous êtes au Togo, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Nigeria, au Gabon, au Cameroun, eh bien, l'opportunité vous est donnée de faire ce rite. Vous ne le regretterez point. Maintenant, si vous avez des difficultés, là, je m'adresse seulement à mes frères initiés. Les autres, je vois que vous êtes plus de 80 personnes là en train de me regarder là, à la seconde. Beaucoup ne sont peut-être pas initiés. Je vous ai encouragé que si vous n'êtes pas initié, venez simplement pour curiosité. Maintenant, ceux qui sont là par curiosité, c'est bien beau. Développez-vous. Soit vous vous développez par la méthode que moi je vous ai toujours indiquée, le développement personnel. Si vous avez peur, parce que je vous ai dit que quand vous allez voir la forêt là, lorsque vous allez rentrer là-bas, mais d'abord, les rites initiaux là, ce n'est pas facile. Si vous ne pouvez pas développer votre esprit d'abord, travaillez-le et vous serez en mesure de commander ces esprits selon le premier enseignement dans la maîtrise des esprits, selon ma méthode. Mais cette méthode-ci est réservée uniquement aux initiés avancés haut. Ce n'est pas réservé aux esprits peureux. Ce n'est pas réservé aux esprits trop ambitieux qui cherchent trop vite le bien matériel. Vous avez vu le cas de ce type qu'on a cité du Congo, qui est toujours là au gouvernement. Il a été clair. Mais notre frère, le prêtre Ngoyi, a recommandé que il faut t'accrocher à moi. Dans le monde mystique, c'est pareil. Chez nous, au Gabon, on m'a appris, quand tu sors en vampire, tu peux sortir en vampire avec un ami à toi. Oui, oui, c'est possible. J'amenais parfois certains amis à aller visiter le monde de l'au-delà. Mais vous n'allez pas être un bébé éternel pour le reste de votre vie. C'est des circonstances. Ça arrive que vous pouvez sortir, aller visiter certains coins avec quelqu'un qui n'est pas vraiment avancé. On appelle ça élément de subordination. Mais les esprits de là-bas vont voir, ils vont savoir. De toi, on oublie, toi, on te connaît, mais ce type que tu nous amènes ici, là, c'est qui? Ils vont commencer à penser. Et maintenant, si vous avez peur, vous allez mourir. Voilà pourquoi nous ne prenons pas ces risques. D'accord? Je crois que j'en ai terminé sur ce. Que Teta Mwanga vous bénisse. Avez-vous des questions? Je vous écoute. Je suis là. Une fois de plus, pardonnez du retard. Hein? Mais, écoutez, il fallait que je tienne à ma parole quand même pour faire passer cet enseignement. Avez-vous des questions? Quelqu'un me demande si on peut tenter un appel direct. Oui, pourquoi pas. Vous pouvez m'appeler, moi ça ne me dérange pas. Je suis là. Vous pouvez appeler. Avez-vous d'autres questions? Vous me posez la question si le premier des morts est un enfant. Ça ne change rien. Qu'il soit enfant ou qu'il soit vieux, tant qu'il est le premier, il faut retenir cela, tant qu'il est le premier qui a été enterré dans ce cimetière, par conséquent, il est le chef. C'est lui seul qui peut rendre compte aux anges de la mort. C'est lui seul qui peut rendre compte à Dieu. Parce qu'il est le premier, c'est lui le chef de ce village. Vous n'avez pas vu le roi, ceux qui sont chrétiens là. Il y avait un roi là qui était petit Nyankwe là, non? Même avant David. David n'avait que 17 ans quand on l'a assigné pour être roi. Vous vous rendez compte? Et je crois qu'après lui, il y a eu le cas là, l'un des enfants d'Ézéchias, je ne sais pas trop qui, c'était un Nyankwe également. Donc, il n'y a pas de problème. Et si quelqu'un d'autre a déjà pris le titre du premier crâne, on se contenterait de... Si vous m'avez bien suivi, ça c'est des phénomènes métaphysiques complexes. Vous allez dans ce cimetière. Quelqu'un d'autre a pris le crâne. C'est des phénomènes mystiques qu'on ne maîtrise pas, à votre question. Mais je suis convaincu comme je vous ai dit, c'est pour cela qu'on vous demande de pouvoir toujours vous assurer d'amener certaines offrandes et de bien parler à cet esprit-là. Sûrement, l'esprit va vous dire, mais non, je ne suis pas disponible à vous remettre mon crâne. Mais je peux vous recommander quelqu'un d'autre. Je dis bien, c'est une possibilité. Mais à ce que je sache, cet esprit va toujours vous le donner. Là, ce côté-là, je ne le maîtrise pas trop bien. Mais le cas du chapeau, oui. Il y a des millions de chapeaux toujours disponibles. Mais pour le cas du crâne, là, si vous avez appelé le crâne du type qui était là le premier, bon, et que vous reveniez, vous là, vous êtes le deuxième ou bien le dixième à venir chercher le même crâne, je crois forcément il y aura délégation. C'est-à-dire, celui qui, les esprits vont toujours vous guider vers quelqu'un. Bizarrement, mais vous ne pouvez pas réaliser cela. On va vous dire, mais le chef, le premier, là, c'est qui? Mais si déjà le premier a déjà donné, mais forcément après ce premier, il y a un deuxième qui est devenu premier, et ainsi de suite. Voilà la logique que j'utilise dans ce monde de la parapsychologie et du monde de la métaphysique. Très complexe, mais aussi simple. La deuxième question, là, c'est quoi? Je n'ai pas vu ça. Est-ce que plusieurs initiés peuvent acquérir le crâne ou le chapeau en provenance du gardien d'un même cimetière? Oui, c'est ce que je viens de répondre. Oui, le chapeau, mais écoutez, il y a plusieurs demandes. Mais vous faites une demande de bagues à la maison de l'Inde. Oh, ne venez pas citer le nom de mon grand frère ici, là. Oui, il a ça, c'est la vérité. Bassé. Je ne vais pas citer le nom en plein live. Quelqu'un a cité le nom de quelqu'un qui est bien connu du public gabonais. Oui, il a ça. Maintenant, est-ce que plusieurs personnes peuvent acquérir soit le crâne ou le chapeau? Je réponds oui. Les demandes sont multiples. Plusieurs candidats viennent chercher le chapeau. Et je vous ai donné l'exemple. Vous voulez... c'est la même question que j'ai traitée sous le Babab. La même question, mais comment? L'ancêtre là, il est mort depuis longtemps. Il s'est déjà réincarné. Mais comment se fait-il que vous devez tout la... Vous devez toujours l'appeler, mais si d'autres personnes l'ont déjà. Émilie, si vous êtes initiée et que vous maîtrisez la peur et que vous êtes très forte, vous êtes capable d'affronter les esprits. Oui, que vous soyez initiée au Njembe, que vous soyez initiée au Loro, que vous soyez initiée au Kabanji, que vous soyez initiée au Mumbri, tous les rites de chez nous, l'essentiel pour vous, c'est d'être quelqu'un de mystiquement fort. Vous avez écouté le prêtre, notre frère, qui est prêtre, le prêtre Ngoyi, grand initié des rites de chez nous. Lui, qu'est-ce qu'il vous a dit? Ce monsieur qui est grand quelqu'un, qui est toujours au gouvernement, jusqu'à présent, à qui il avait fait ses travaux d'aller récupérer son chapeau, il n'était pas un initié. Mais c'est quelqu'un qui est dans les loges maçonniques. Parce que la plupart de ces mecs-là, ils sont toujours dans les loges. Mais il est parti. Il a pris le risque d'être avec lui. Bon, maintenant, si lui, n'étant pas très fort, il a préféré aller sous couvert de notre frère, le prêtre Ngoyi. D'accord? Donc, à votre question, Émilie, si vous êtes initié dans les rites des femmes, nous avons vu rarement des femmes le faire, mais il y a des femmes qui le font. Au Nigeria, j'ai eu le témoignage. Hier, j'ai discuté avec quelqu'un. Quand j'ai parlé de ça, là, il m'a dit, oui, au Nigeria, ils connaissent beaucoup de femmes qui ont le chapeau, là. Il y en a. Au Bénin également, il y a des femmes qui ont le chapeau là. Donc rassurez-vous, oui. La réponse est oui. Par rapport à la question de Maxime, donc disais-je, la demande, elle est constante et le grand maître, pour ne pas dire le gardien de la grande forêt ou le gardien de cimetière qui vit dans la grande forêt, va toujours remettre les chapeaux, même si vous êtes des millions de demandeurs, il vous remettra tout le chapeau. C'est le même le cas d'espèce pour le crâne, comme je viens de le répondre. D'autres questions? Émilie, comment tu vas me demander de savoir comment tu es très fort, toi aussi? Pour savoir que tu es très fort, un initié ne sait pas quand tu es très fort. Tu ne sors pas en vampire. Voilà déjà, ça c'est un truc de base que je vais te dire. Pour savoir si tu es très fort, c'est que dès ce soir, sors en vampire. Et tu me fais le témoignage demain. Sors en vampire, va me visiter les gens qui sont au Gabon là. Ou bien va visiter les gens qui sont au Congo. Si tu pars et tu reviens sans problème, c'est déjà un bon test qui montre qu'il n'y a pas la peur. Parce que la première technique déjà qui prouve que vous n'êtes pas quelqu'un de peureux, c'est de sortir d'abord de votre corps. Parce que ça, c'est la première expérience la plus difficile à faire. Je m'en souviens quand j'étais encore très jeune Et un moment, vous sautez, vous avez peur. Oh, yo, yo, yo, je suis haut. Après, vous tombez brutalement, vous réintégrez le corps. Mais avec la pratique, vous le faites régulièrement. Première technique, c'est la technique de sortir en vampire. Deuxième technique. Alors, Émilie, on va te demander à maman, oh, il faut sacrifier ta grand-mère. Là. Nous, on en a besoin, le sacrifice d'une vieille maman. Comment tu vas réagir? La vieille maman a 90 ans. Et on te demande qu'il faut la sacrifier. Vas-tu avoir peur? Ben, moi, je dirais, il ne faut pas avoir peur. Tu dois dire oui. Prenez-la. Je n'ai rien à foutre. D'abord, à partir de 80 ans, qu'est-ce qu'on a besoin d'elle? Allez, après, prenez-la, moi. En magie, je l'ai toujours dit, magie ou sorcellerie africaine ou européenne, quelle que soit la pratique que vous faites, vous ne devez jamais, jamais avoir peur. D'accord? Il ne faut jamais avoir peur. Parce que l'ennemi numéro un de l'éveil de votre conscience, l'ennemi numéro un de toute pratique magique, c'est la peur. Merci beaucoup, Maxime. Maxime dit, moi, pardon, je ne vais pas prendre le risque d'aller jouer avec les crânes et de jouer avec les chapeaux, aller provoquer quelqu'un qui vient dans la grande forêt, une forêt lugubre, une forêt sombre, bizarre. Je préfère y suivre l'initiation douce. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup. D'autres questions? Est-il possible de voir le grand prêtre, le petit-fils du roi Makoko pour ce travail? African King, est-ce que tu es prêt? Moi, j'ai son contact, oui. Je peux vous l'envoyer et puis vous allez faire le rite là-bas. Tu vas aller au cimetière. Toi, tu es de quel pays d'abord, l'African King, là? Tu es de quel pays? Il faut me dire le pays. Parce qu'il ne faut pas aller faire le rite là en France, hein. African King, toi qui poses la question, si tu veux voir le grand prêtre Ngoï, l'arrière-petit-fils du roi Makoko. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Ok, en Côte d'Ivoire, il existe ce qu'on appelle les cimetières, n'est-ce pas? En Côte d'Ivoire, vous êtes dans quelle ville? Même à Abidjan, là, j'ai vu plein de cimetières. Il y en a près de 57 cimetières. Parce que j'ai quelqu'un là qui nous suit. Elle vit là-bas, elle veut faire les histoires des croque-morts. Enfin, comment on appelle ça? Les histoires qui s'occupent des morts, là. Maman, elle est là. Maman Vivi est là. Elle me suit là. Donc, il y a plein de cimetières. Qu'est-ce que vous avez besoin là? Vous n'avez pas besoin de mon frère depuis le Congo pour venir pour faire ça chez vous là-bas. Si tu es en Côte d'Ivoire et que tu es un vrai sorcier, mais rapproche-toi auprès des sorciers là. Ils connaissent cette technique là. Rien n'est compliqué. Appliquez seulement ce que je vous ai dit dans le live là. Il n'y a rien de compliqué. La preuve en est que vous ne me posez plus la question sur ça. Ah, d'accord, lui ne veut pas aller seul. African King, toi, tu ne veux pas aller seul, mais tu veux avoir le chapeau noir. Bon. Bien, je... Ah, lui vit à Londres, d'accord. Bon, mais surtout, toi, tu vis à Londres. Tu vas aller provoquer les esprits des ballons, là, de Londres, dans leur cimetière. Il faut faire ça chez toi, en Afrique. C'est ce que je peux conseiller. Maintenant, si tu veux... Écoute, il n'y a pas que le... Oui, tu es de la Côte d'Ivoire, je comprends. Il n'y a pas que le prêtre Ngoï. Certes, c'est lui qui m'a montré cette chose, cette technique-là. Mais rassurez-vous qu'ils sont nombreux comme ça. Mais c'est parce qu'ils ont peur de se faire voir au public. En Côte d'Ivoire, il y en a. Vous pouvez vous renseigner. Mais sauf que c'est des cercles fermés. Que se passe-t-il? Ashline me demande, que se passe-t-il une fois celui qui est en position du chapeau meurt? Peut-il le léguer? Bonne question. Ce chapeau, quand vous mourrez, c'est vous qui l'avez pris. Il doit être enterré avec vous ou bien il doit être resté quelque part. Mais là, normalement, le génie, si je ne me trompe pas, je parle sous le contrôle de, comment on appelle, de notre frère qui m'a passé le rite. Vous devez, l'esprit normalement vous avertir avant de mourir. Tout initié sait avant de mourir. L'esprit avertit que non, tu vas bientôt mourir. Et là, il y a des rites de désactivation. Vous devez désactiver le pouvoir. Maintenant, pour désactiver ça, bon, il y en a plusieurs méthodes. Soit vous prenez l'article et vous l'amenez, là vous l'avez pris, vous partez là-bas, vous le laissez, ou bien vous le faites disparaître, vous demandez à l'esprit de le faire disparaître. À ce que je sache, il y a des cas de certains maîtres, initiés, prêtres, qui, pour des besoins quelconques, font même apparaître, font voyager. Ça, c'est un détail que je voulais vous dire. Vous pouvez faire voyager ce chapeau par voie mystique. Par exemple, pour ceux qui ont... comment dirais-je? Pour ceux qui ont le chapeau en Afrique, vous avez votre chapeau qui est resté en Afrique. Je ne vous cache pas, hein, je le partage parce que c'est ce qu'il m'a dit. Par exemple, au cas de notre prêtre, le prêtre Ngoï, son chapeau est là-bas, chez lui, au Congo. Mais pour certains travaux urgents, il y a des moments, il le fait venir chez lui. Il le fait venir, hein, étant là où il vit. Je ne vais pas vous dire dans quel pays. Il est quelque part en Europe. Donc, il y a des moments où le chapeau vient d'urgence et il fait les travaux. Par exemple, pour certains Français qui veulent la prospérité de certains Français, qui veulent ceci pour que leur business marche, pour certains Français qui veulent être élus sénateurs ou députés. Donc, le frère fait déplacer son chapeau, le chapeau arrive. Maintenant, il va aller avec ce monsieur. Ce chapeau va l'aider à pouvoir accomplir certaines missions. Ça, c'est un cas. Maintenant, vous allez poser la question, si vous mourrez. Maintenant, si vous mourrez, votre chapeau peut perdre les pouvoirs. Vous pouvez le déactiver. Mais quelqu'un d'autre ne peut plus jouer avec ça. Donc, pour éviter des dégâts au sein de la famille, souvent, il y a certains initiés, l'esprit vous avertit que non, bientôt, vous allez le quitter. Alors, en ce moment, si vous me quittez, moi aussi, je vais quitter. Donc, l'esprit peut quitter les lieux. Et puis, votre chapeau n'aura pas une valeur. Mais généralement, on vous prépare, il y a des signes. Hein. Les grands prêtres, ça c'est une question, je ne me suis pas préparé, mais je sais que par la sagesse que j'ai par rapport à d'autres objets, parce que j'ai des objets sacrés qui sont avec moi ici, que je ne veux pas exhiber au public, ces objets-là, on m'avait dit que les esprits vont m'avertir quand je veux pouvoir quitter ce monde. Et on me donne le code secret pour déactiver ça. Ou encore, ça peut disparaître mystiquement. Et j'insiste, voilà, les jeunes viennent me dire que ce chapeau-là doit disparaître mystiquement. Il disparaît. Il retourne là où il revient. Donc, personne ne le verra. Puisque, souvenez-vous, on vous a dit que ce lieu est sacré, ce lieu est saint, il n'y a que vous qui avez accès. Personne ne doit voir ça. Par conséquent, si vous mourrez, personne ne saura. Now, the question, for those living in the U.S., can we go to the cemetery and do it? Yes. If you live in the U.S., now, that's the complex question. It's really complex. I mean, if you're originally from the U.S., I don't see... why you wouldn't be doing it. But if you were born in Africa and you have no ancestors here in the U.S. and now you try to go and interrupt these folks in peace, it's possible. But believe me, these rights, it's only if you're born in America, you're an American citizen, and you want to go and do the right. Yes, you can do it. Just apply it. You know, you remember the opening key. You get there, you got to write the word more. Or in English, that you may have a meaning of that. Actually, the meaning in French is obligated movement to return to life. I mean to death. Mouvement obligatoire du retour à la terre. Obligated movement to return to the earth. Remember, dust you dust, you return to the dust. I think that's the main meaning of it. Yeah, it's kind of complex question though, but I'm more comfortable doing it where I'm from. And now, if I'm not from the U.S. and now go and do it in one of the cemetery here, well, let's try it. But these are kind of things we never tried. Maybe some folks have tried it. Now, if you're a sorcerer, I mean, if you're really somebody who's really a great, powerful person, you know, dealing with these spirits, what I would suggest, go and try it. Go and try it. Just give it a try. What I mean, give it a try means you're not a fearful person, I hope. You are not a fearful person, I hope. If so, yeah, go ahead and try. You do it from midnight. That's the time. Midnight. But you know that in the U.S., most of those cemeteries are guarded. You know, some people are taking care of watching what's going on. So... you see what I'm saying? It's kind of suspicious, somebody coming in there and doing all kind of things. Except those cemeteries in the counties. If you go inside a country, I'm talking about the country folks, country boys and country girls. So you go in a county, it's different. Means the county, with those counties are very isolated, not from the big cities. You know, I live in a capital here. If I have to do it in that public cemetery, can you imagine what people are going to guess? What the hell is he doing? You know what I'm saying? So Your question is complex, but I would give it a try. That's what I can say. I would give it a try. Any other questions? And now, somebody ask another question, but I'm sorry, I have to skip. Battery, 100%. Let me see it. BlackBerry DB1005, connected. J'ai déjà répondu en anglais. Quelqu'un a posé la même question. Est-ce que c'est possible pour ceux qui vivent aux États-Unis le faire? J'ai dit, question complexe, c'est possible. Mais il faut d'abord essayer si vous êtes déjà quelqu'un de très puissamment spirituel. Vous pouvez le faire. Parce que, quel que soit le cimetière, vous irez, les esprits se soumettent. Maître, pour ceux qui vont au cimetière tout nu dormir là-bas. What? Nu dormir là-bas, c'est quel rite? Ça n'a rien à voir avec le rite que nous on parle ici. Ça, c'est d'autres. Vous savez, le cimetière a beaucoup, beaucoup, mille et un rites qu'on fait au cimetière. Vous comprenez? Moi, je connais beaucoup de rites. Par exemple, il y a des rites, par exemple, pour devenir riche. Il y a certains éléments qu'on va vous demander d'aller prendre au cimetière. Le rite de protection contre les grands sorciers. Par exemple, si vous êtes constamment attaqué, harcelé, il y a des gens qui vous veulent la mort depuis l'Afrique, on vous embête jour et nuit. Vous pouvez aller au cimetière à une certaine heure, ramasser la terre du cimetière, le sable, vous l'amenez à la maison, vous mélangez ça avec le vinaigre et vous faites des incantations, vous parlez. Et ce mélange-là, vous le mettez sur votre corps. À chaque fois que vous allez frotter ça sur votre corps, le corps va piquer, bien sûr. Tous ceux qui vous veulent du mal, ils vont avoir du mal. Certains peuvent même mourir. Donc, ça, c'est. Donc, le cimetière, il y a beaucoup de choses. Et également, pour ceux qui veulent devenir riches, il y a des techniques. Vous allez prendre la terre du cimetière, la terre de devant un magasin, la terre de devant une église, la terre de devant votre maison. Et ensuite, vous prendrez quelques éléments de certains arbres, vous mélangez le tout, vous faites une incantation. Ça attire la prospérité dans votre. Surtout ceux qui ont le commerce. Pourquoi? Parce que le cimetière, il y a des milliers de personnes là-bas. Tout le monde va trouver au cimetière. Au magasin, parce que les gens vont toujours acheter de quoi manger, ainsi de suite. Bref, le cimetière est un lieu où plusieurs rites peuvent se faire. Donc maintenant, la personne qui va faire ça là-bas, tout nu, il a des raisons. How can I meet for an initiation in the US? This question has been asked times after time. Time and time. People have been asking the same questions. The only way to be initiated in the US, I don't know if... By who? If you're asking by me, well, people are going to invite me. If you're talking in general initiation, I got more than 3 or 4 initiations here in the U.S. So you have to have connections such as the Native Americans can give you a free initiation. Of course, you can go there and get initiated. They have some, they are tribal and ritualics and techniques they can get you through and, you know, get into the lightness or whatsoever they call it. And then they can bring you into the water. They have a special initiation into the water where you can stay in the water for 1 or 2 hours. And you will see whatever you see and come back. You got your initiation. So I'm talking about the Native Americans. You also have Mexicans, the Aztecs, and all these different folks. They can give you initiation. Okay? But now if you're asking my type of initiation, yeah, well, we organize it. We have a group here in the U.S., I think we have the forum on that. In those forums, we got 3 of them. Some of you guys are enrolled in it. What you can do is get in touch with me, call me, and then we have our administrative. Our administrative is here, and she can take care of that. We're planning to organize something here within the U.S. so that we can all meet, and we will talk about all these different categories of initiations. When it comes to these, that can be, of course, we can go through it, and why not? We will see. Other questions? Combien il me faut payer pour que le prêtre m'accompagne prendre le chapeau à Abidjan? Ah, vous êtes décidé, vous. Bon, je ne peux pas vous le dire ici en plein public. Hein? Il faut me contacter en privé. Je vous dirai comment ça se passe. Et je vais convoquer mon frère. Et puis, il va vous dire comment il faut faire cela, la situation. Parce que vous insistez tant sur ça, j'espère, je répète très bien, que vous n'allez pas chier devant le cimetière. Pardonnez-moi l'expression, c'est-à-dire que vous n'allez pas mourir de peur. Parce que c'est très, très important. Donc, à votre question, African Queen, je vais pouvoir vous mettre... comment dirais-je? Pour votre question, je vais... Il est en train de nous suivre, hein? Je vais lui poser la question en privé tout à l'heure, puisque on est en contact permanent et... Il faut me contacter en privé. Je ne peux pas vous donner les détails ici dans le public. C'est bien de poser votre question. Ça montre que vous êtes bien décidé à pouvoir faire ce rite. Vous voulez prendre les risques, c'est bien. Voilà quelqu'un qui est intéressé à la culture africaine. Mais si le premier mort de la forêt était très mauvais, ah, vous aussi, qu'il soit mauvais ou qu'il soit bon, allez-y. Ça n'a rien à voir. C'est différent de ce qu'on appelle le rite des ancêtres. Ça n'a rien à voir. D'accord? Bon, maintenant pour le cimetière, oui, vous pouvez prendre la terre de cimetière dans n'importe quel pays là où vous trouvez. Yeah. J'ai été clair que c'est seulement le rite de pouvoir rentrer au royaume des morts. Moi, j'ai suggéré, ça c'est ma suggestion, d'accord, qu'il vaut mieux faire ça dans votre pays là où vous êtes né. Parce que là-bas, vous allez dealer avec vos frères africains. Mais les esprits des blancs là, moi je ne sais pas comment ils vont faire. Vous ne vous connaissez même pas. Des fois, vous êtes illégal. Vous n'avez même pas la carte de résidence, vous n'êtes rien. Et vous venez là pour les déranger n'importe comment. Et si vous tombez dans le cimetière de Mitterrand, Mitterrand te connaissait? Non. Donc, ça c'était dans le cadre du rite. Mais maintenant dans le cadre, je sais pourquoi tu demandes, mais est-ce qu'on peut prendre les terres? Mais les terres, c'est dans le cadre des techniques contre les fous, pour guérir les fous, ou bien techniques de contre la sorcellerie, les gens qui vous envoient les mauvais sorts depuis l'Afrique, qui parlent mal de vous. C'est ça là, vous pouvez prendre la terre là, n'importe quel cimetière, que vous soyez à Abidjan, que vous soyez à Londres, que vous soyez à Taipei, Taïwan, que vous soyez à Beijing. N'importe quelle terre de n'importe quel cimetière, vous mélangez ça avec le vinaigre et bien d'autres éléments, et bien vous verrez, les sorciers vont vous laisser tranquille. You may go to jail for profanity of corpse in here in the US. I think it will maybe go back. Of course, yes. Why would you take that risk? I told you. Yeah. That's what I was telling you. Mm-mm. For those kind of rites, getting in touch with the dead people, going to the cemetery, you know that they have the security folks. At first, they're going to ask you, what the hell are you doing over here, sir? Well, I'm trying to contact my ancestors. What the hell? You from Africa? What the hell are you doing? Ancestors here? This is not your ancestors' place. So now you agree with me that it's better to do it in your country of origin. Don't even try unless, I repeat, unless you are a citizen born in the U.S. and you know the history of your own family in the U.S. and you know the cemetery where your parents, your family members were buried. In that case, with the permission from the city, you have to go to the city and let them know so that the undertaker, you know the undertaker, right? The undertaker is what we call in French the croque-mort. So the undertaker will get a letter and notice from the city who's going to allow you to do some spiritual work because they know it. The Freemasons, they do it, I can guarantee you. There are some sects here in the U.S. dealing with the skulls of people, you know, those skulls and different stuff. They do it in some cemeteries here. But you have to be an American citizen. And it depends also in the counties, depends on the cities, depends on the state, because each state, as you know, you've been in America for a while. So each state get different rules, different laws, different. Man, I don't want to get into this. When it comes to using people's skulls, when it comes to go and they take a hat from, you know, the jungle of the unknown city, the city of the darkness. I wouldn't suggest to do that in Africa, in Europe. Okay, next question. On ajoute quoi? La terre pour le commerce. Ah! Pour le commerce. C'est un exemple que j'ai pris. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre. Je vous ai dit, on prend la terre des cimetières, la terre des églises, la terre des grands magasins, tels que les grands magasins, je ne sais pas dans quel pays vous vivez. Si c'est un grand magasin qui rapporte beaucoup de clients, vous devez prendre la terre devant ça. Et là encore, ça doit être fait très discrètement à une certaine heure, à partir de minuit. Mais comme ces endroits-là sont souvent nettoyés, moi je ne sais pas. Ça, c'est des techniques qu'on utilise pour le commerce. Ça, je faisais ça pour les mamans commerçantes là au Gabon. Les béninoises là venaient me voir. Elles prospéraient. Mais ça, c'est des questions qu'il faut me voir en privé, s'il vous plaît. Je ne veux pas développer ça ici. Ce n'était pas ça le but de l'enseignement de ce soir. Avez-vous d'autres questions avant que je ne vous quitte? Ok. Je vous remercie beaucoup. Que Teta Mwanga vous bénisse. Oui, maman, oui, la terre de la Mecque aussi. Non, enfin, la terre de la Mecque, je vais dire la terre de la mosquée. Oui, vous pouvez prendre la terre de la mosquée, il n'y a pas de problème. C'est possible. Alors, je vous remercie infiniment pour le temps que vous m'avez accordé et que nous avons abordé un sujet très sensible. Un sujet très sensible, voulais-je dire. A very sensitive topic. Because when it comes to dealing with this kind of witchcraft, I wouldn't call it witchcraft, dealing with this powerful spirit or spiritual journeys, it's not easy. Because the awakening of your own conscience, it takes multiple means and ways to connect with the unknown. Ce sujet complexe, pas pour moi bien sûr, je vais dire, puisqu'on est sur Tata Nzambe, rien n'est tabou. Et puisque rien n'est tabou, tout ce qui n'est pas, tout ce qui est tabou ici ne l'est pas. Nous avons abordé un sujet qui a un rapport avec les grands mystères, le chemin, le chapeau noir. Et le crâne. Ça, c'est des choses qui existent chez nous en Afrique. Ici, aux États-Unis, je connais un président, mais comme ici, on a la liberté de s'exprimer. Le président, là, s'appelle George Bush. Il est membre d'une grande organisation. Ça s'appelle Skulls and Bones, ici aux États-Unis. Skulls and Bones. Alors, allez-y, me dire. Qu'est-ce que ça veut dire, Skulls and Bones? Ça veut dire, c'est une secte mystico, qui est comme la franc-maçonnerie, où ils utilisent les ossements, ils utilisent les crânes. C'est ici aux États-Unis. Voyez-vous? Mais ça, c'est pratiquement entre eux-mêmes. Le président que je viens de vous citer le nom, M. George Bush, c'est ouvertement connu, il le fait. Chez nous en Afrique, nous avons nos réalités à nous. Donc, ces pratiques-ci, je vous conseillerais d'aller faire ça chez nous en Afrique. Quand vous serez en vacances, si vous êtes un initié, si vous êtes quelqu'un de courageux, qui a des pouvoirs en vous endormi, ou éveillé surtout, dont la peur ne mine pas votre vie, je vous conseille de pratiquer ça. Mais uniquement quand vous serez en vacances. C'est très important. Quand vous serez donc en vacances, vous n'hésiterez pas d'aller pratiquer ces rites-là, tranquillement chez vous. Et vous verrez, vous n'aurez aucun problème. C'est des merveilles. Voyez-vous, est-ce que certains d'entre vous saviez-vous qu'il existe des grandes villes quand vous partez derrière le cimetière? Est-ce que vous saviez ce que c'est le mot mort veut dire? Le mouvement obligatoire du retour vers la terre. C'est un code pour vous permettre d'avoir accès au monde du royaume des morts. Le gardien de ce cimetière va vous guider. Il va vous guider et vous amener dans la réalité. Ça n'a rien à voir avec un talisman. Ça n'a rien à voir avec une chaînette. Ça n'a rien à voir avec une bague. Mais vous-même, vous serez détenteur d'un pouvoir impérissable entre vos mains. Et lequel pouvoir ne vous quittera que lorsque vous quitterez ce monde. Merci beaucoup. Merci encore. Je crois que j'en ai terminé pour l'enseignement de ce soir. Dans mon pays. Prochainement, je viendrai avec les rites, les protections. Parce qu'il y a une maman qui insiste là. J'ai parlé du rite des protections, j'ai parlé du vinaigre, j'ai parlé de la terre de cimetière. Donc, on va se concentrer sur tout ce qu'on peut retirer de cimetière pour le bien de l'homme. En vue de la protection, en vue d'attirer l'argent, en vue d'attirer le commerce, en vue de tout cela. Merci beaucoup. Ne voyez pas seulement le cimetière comme un lieu diabolique. Merci beaucoup. Que Teta Mongali Banga Banga vous bénisse. Et je vous remercie et pardonnez-moi pour le retard une fois de plus. Ah, la nature a des caprices que parfois l'homme ne peut pas maîtriser. Merci. Merci encore. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Soyez bénis. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci. Merci. Merci. Merci. Bon week-end, merci. D'ici là, portez-vous bien. Et demain, je vais revenir avec un autre enseignement. Si telle est la volonté de Tétan, merci encore. Merci. Merci beaucoup. Merci.